professeur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le porto. Mais pas sur la table, voyons. Mettez-la là sur le petit meuble avec le plateau et les verres pour faire voir que j'y ai pensé, mais pas sur la table. J'aurais l'air de croire qu'elle va accepter d'en prendre. Bien, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air ahuri. Ma parole, on dirait que c'est la première fois que j'en sois une femme. Ma foi? Bah, et pourquoi vous avez astiqué tout comme ça, hein? Pour faire honneur à cette dame. Oh, vous ne lui ferez probablement pas honneur. C'est certainement moins bien tenu chez elle. Et moi, j'aurais l'air d'un homme d'intérieur, alors c'est gai. Excusez-moi. Et ces coussins, oh! Enlevez-moi ces coussins, on ne voit que. On dirait qu'ils attendent, c'est inconvenant. Excusez-moi, j'ai cru bien faire. Un peu de désordre, que diable! Mais d'habitude... Oui, ben d'habitude, oui. Mais aujourd'hui, j'attends quelqu'un, hein? Alors... Chaque fois que monsieur attendra quelqu'un, il faudra tout ficher en l'air. Non, non. Mais retirez-moi ces fleurs, hein. Je vous avais dit de ne pas mettre de fleurs. Pourtant... Oui, ben dans ces cas-là, les femmes n'aiment que les parfums artificiels. Excusez-moi, je ne savais pas. Ah non, mais vous savez rien, ma fille, hein. Ma parole, on dirait que vous n'avez jamais attendu d'homme, vous. Ah, oh, si! Ah oui? Oh là là! Et alors? Seulement moi. Je ne m'occupais pas du tout de la chambre. Je ne m'occupais que de moi. C'est pas bête, ça. Ah, ça, j'ai... Ben, ça y est, j'ai un bouton, dit. Où ça? Ben, sur le nez, naturellement. Ah oh, oui, c'est vrai, mais on ne le voit presque pas. Oh, ben, presque pas, je ne vois que lui, moi. Vous aviez bien besoin de me faire regarder dans la glace. Maintenant que je sais que j'ai un bouton, je vais bafouiller, je vais être gêné, je vais avoir l'air idiot. Mais ne le grattez pas, voyons. Ah non, mais c'est qui me dérange en plus. Mettez un peu de crème. Ah non, non, non, non, non, hein, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Parce que monsieur est nerveux. Depuis 6 ans que je suis chez monsieur, je n'ai jamais vu monsieur aussi nerveux. Mais que voulez-vous, c'est que cette femme, c'est une femme... C'est la femme de ma vie. Ah oui. D'ailleurs, c'est peut-être votre future patronne. Monsieur pense à se marier? Ah, si elle veut, ah oui, alors ça... Mais vous disiez que ça n'est pas une femme d'intérieur. Ah non. Alors je pourrais peut-être rester chez monsieur? Mais certainement. Monsieur fait sa demande aujourd'hui? Si j'ose, oui. C'est une veuve? Ah non. Une divorcée? Ah non. Oh, c'est une jeune fille. Ah non. Non, non, c'est la maîtresse d'un de mes amis. C'est très mal, ça, monsieur. Très mal. Ah. Mais si elle ne l'aime plus? Ah, évidemment. Ah, Tenez, moi aussi, j'ai eu comme ça un homme que je n'aimais plus. Mmh. Eh ben, rien n'y a fait. Pleurs, grincement de dents, je te tue, je me tue. Rien. Je suis partie avec un autre, c'est pour dire. Et d'un autre côté, si elle aime monsieur... Ah. Ça, je ne sais pas, je ne lui ai pas encore demandé. Parce que vous avez besoin de lui demander pour savoir. C'est elle. Je vais ouvrir. Non, non! Elle m'avait bien recommandé que nous soyons seuls. Elle m'avait dit de vous donner congé. Alors, allez faire une course, hein, une course d'une heure, n'importe quoi. Je vais au cinéma! Oui. Mais excusez-moi, je suis un peu en retard. Pardon. Je dis, je suis un peu en retard, excusez-moi. Mais j'avais des amis dans le quartier, alors j'en ai profité pour leur rendre visite. C'est gentil chez vous, hein? C'est coquet, hein? Très bel immeuble. Hein? Le concierge m'a d'ailleurs l'air d'un brave homme. Non, mais vous devez vous tromper d'étage. Ah, pas du tout. Marceline n'est pas encore arrivée. Ah, je lui avais bien dit, je parie que j'arriverai avant toi. Hein? Et comme ce monsieur ne me connaît pas, il y aura des présentations à n'en plus finir. Parce qu'elle est embêtante. Mais à qui ai-je l'honneur? Ben, vous, naturellement, vous ne voyez que le bon côté. Mais non, mais encore une fois, qui êtes-vous? Ben, je suis son frère. Le frère de Marceline. Oh, ben enchanté. Son vrai frère. Parce qu'à un moment donné, elle en a eu un autre. Un faux. Un mufle, d'ailleurs. C'était pas moi. Ah. J'étais pas à Paris à ce moment-là. C'est pourquoi, sans ça, je faisais mon service militaire dans les Zouaves. À Sidi Bel Abbès. Hein? Les copains de fric, ça déplore le dos. On y marche trop vite, on y boit que de l'eau. Ta-ta-ta-ta. Ah. D'ailleurs, ce serait trop long à vous expliquer. Ah oui, peut-être, oui, oui, oui. On pourrait pas ouvrir un peu la fenêtre? Si vous voulez, oui. Très bien, ça sent mauvais ici. Ah. Si on pouvait établir un petit courant d'air. Ah ben oui, pourquoi pas. Ah, ça va aller? Drôle d'odeur, elle part pas. Ah, c'est le parfum où j'ai un peu vaporisé la pièce. Je croyais que vous étiez fleuriste. Non, pas fleuriste. Artiste en fleurs. Ah. Ben, vaudrait mieux carrément vous servir de vos produits. Remarquez, je ne suis pas l'ennemi des parfums, seulement patron en faux, comme disait mon ami Chaussin. Oh, rigolo celui-là. C'est l'auteur des paroles de la chanson. C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, dont tu m'aimeras toujours. Il y a des couplets comme ça. Ah, là, là. C'est charmant. Hein? D'ailleurs, j'adore les chansons. Ah. Oh, qu'est-ce que vous avez sur le nez? Oh, c'est un bouton. Oui. Oh, c'est très embêtant, les boutons. Surtout quand ce sont des furoncles. Chaussin, tenez, Chaussin. Il a eu un furoncle à la fesse. Aucun rapport naturellement avec votre bouton. Mais ce qu'il a souffert, il ne pouvait plus s'asseoir. Ah. Moi, je peux. Pardon? Je dis, je peux m'asseoir. Ah, mais je... Oh, oui, pardon, je vous en prie. Oui, bien sûr. Vous m'êtes très sympathique, d'ailleurs. Merci. Ah, mais il n'y a pas de quoi, je le dis comme je le pense. Hein. Est-ce que je peux vous poser une question? Posez! J'adore les questions. Bon, vous me promettez d'y répondre? Ah, je réponds même quand on ne me demande rien. Bon, est-ce qu'elle va venir? Marceline? Oui. Quelle drôle de question, puisque je vous dis que je l'attends. Elle ne vous a pas chargé d'un message pour moi de... Non. Elle ne vous a pas dit de venir à sa place? Non. Et elle vous a demandé de venir? Oui. Tiens, elle vous a demandé de venir. Écoutez, j'adore répondre, mais pas toujours à la même question. Oui, oui. Mais à quelle heure vous êtes-elle dit de venir? Bon, elle m'a dit, arrive de bonne heure le plus tôt que tu pourras. Seulement, j'avais des amis dans le quartier, là. Excusez-moi. Hein. Je ne comprends pas pourquoi elle vous a dit de venir. Ah, nous le lui demanderons tout à l'heure. C'est ça, oui, oui. Vous êtes musicien? Non. Dommage. Ah, pourquoi? C'est toujours dommage de ne pas être musicien. Ah, ça c'est vrai. Oui, oui. Vous n'avez pas de piano, alors? Ah, je ne suis pas musicien, mais j'ai un piano. Oh, parfait. Où est-il? Là, dans la pièce à côté. Vous permettez? En attendant ma sœur, je voudrais voir quelques mesures. Mais vous êtes pianiste? Ah non, non, non. Les pianistes sont mes interprètes. Je suis compositeur. Ah. Je suis l'auteur de... Ah, vous connaissez? Pas du tout, non, non. Ouais. Il est vrai que comme je chante faux, vous ne pouvez pas reconnaître l'air. Mais ça ne vous gêne pas dans votre métier? Je chante faux, mais j'entends juste. Ah. Je chante faux, c'est entendu, mais je chante tout le temps. Mmh. Faut bien, n'est-ce pas, pour la composition? Et qu'est-ce que vous composez? Des valses. Ah. Je suis un spécialiste de la valse. J'adore travailler à droite. Ah oui, c'est joli la valse. Et puis j'ai composé aussi 5 ou 6 nocturnes, mais ça ne se vend pas alors. Ah. J'écris des chansons. J'ai peut-être fait 200 chansons. Ah, 200 ah, ouais. Et tout ceci n'est rien, je prépare un oratorio. Ah. Le désert. Je crois qu'il y aura des grincements de dents. Ah, mais ce sera très moderne alors. Non, non, non, mais des grincements de dents chez mes confrères. Ah, oui, pardon. Ah, c'est une œuvre, je vous le dis. Le désert. Ça me travaille depuis Sidi Belabèche. Exprimer le silence par la musique. Ah, peut-être, oui, oui, oui. Ça, je ne suis pas musicien, alors... Ah, mais il n'y a pas besoin d'être musicien pour apprécier ma musique, au contraire. Je parle au cœur plus qu'à l'oreille. Ah. Oui, c'est ce qui explique mon succès. Car tout le monde a un cœur et tout le monde n'a pas d'oreille. C'est très juste. Je vais vous jouer ma dernière valse. C'est ça, oui. Oh. Il est bon, votre piano? Oh, ben, vous savez... Ah ben, écoutez, on va voir ça, hein? Oui. Quel est le titre de cette valse? Le titre n'est pas de moi. Ah, alors... Que fait-elle? Qu'attend-elle? Pourquoi a-t-elle envoyé son frère à sa place? Oh... Marceline... C'est joli, hein? Oh, c'est ravissant! J'ai peur de comprendre. Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Je préfère la musique de loin. La la la la, la la la la la. Ça, c'est un peu haut pour moi. Oui, oui, c'est un top. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Vous connaissez? Oh, pas du tout, non. Ah? Non. Je connais un très bon accordeur. 14 rue Vite-Gousset, monsieur Ruffec. Pourquoi me dites-vous ça? 14 rue Vite-Gousset, monsieur Ruffec. Ben, je m'en souviendrai. Ah, vous n'êtes pas musicien, c'est incontestable. Non, est-ce que votre sœur vous a parlé de moi? Oui, elle m'a dit, je vais te faire la connaissance d'un garçon charmant. Mais pourquoi aujourd'hui? Ah, je ne sais pas, nous le lui demanderons. Elle n'a pas menti, en tout cas. Pardon? Je dis, elle n'a pas menti. Vous êtes charmant. Ah, ben, merci. Elle m'avait dit, on prendra le Porto. Ah, ben, elle n'avait pas menti. Vous devez me trouver sans peine. Hein. J'ai soif. Oh, ça y est. Non, attendez. Allez, prenez ce verre-là. Parfait. Voilà. Vous ne devez pas? Non, j'attendrai Marceline. Encore un peu? Bien volontiers. Oh. Il est bon, hein? Combien le payez-vous? Bah, je sais pas. Parce que j'ai une adresse épatante, hein? 41 rue 9 Sainte-Apolline, provenance directe, garantie d'origine, et je suis sûr que je le paye 10 francs de moins que vous. Ah. Vous n'avez qu'à dire que vous venez de ma part, hein? Très bien, je vous remercie. Oui. Alors, si vous avez besoin de tapis, de fauteuils de cuir, de tableaux anciens, d'appareils de chauffage, ou de voitures d'occasion, hein, j'ai des adresses épatantes. Ah. Et attention, hein? N'allez pas croire que je touche des commissions, hein? Je fais ça pour rendre service aux amis. Ah. J'ai fait profiter de mes relations. Ah, vous avez beaucoup de relations. Ben forcément. Dans la musique. Là, ça. J'ai aussi une adresse de fleuriste. Mais ça vous intéresse pas? Ben non. D'ailleurs, maintenant, je donnerai plutôt la vôtre. Bon, merci. C'est elle. Non. Ça, c'est un télégraphiste. C'est le petit coussel des télégraphistes. Vous pensez si je le connais? Je reçois 4 ou 5 par jour. Bonjour. Eh ben, t'as un coup de sonnette de télégraphie. C'est longtemps que tu es arrivé? Un petit quart d'heure. Toujours en retard, alors? Oh, ça, c'est admirable. Oh, vite, un fauteuil, j'ai monté vite, je suis encore un peu suffoquée. Vous vouliez arriver plus vite? Non, j'ai horreur de votre escalier, il est sinistre. Ah. Par contre, c'est très gentil chez vous. Très coquet. Qu'est-ce que je vous disais? Quoi? Je disais, c'est très coquet. Ah. Oh, ce petit sax. Je l'ai acheté ce matin, je savais que vous les aimiez. Alors. Ah. Oh. Oh, ce chine est très beau! Ah, ben, je l'ai acheté hier! Dis donc, avant-hier, il n'y avait pas de bombe ici, alors! Ah oui, c'est gay, il y a du soleil! Qu'est-ce que c'est à côté? Mon bureau, salon, fumoir, bibliothèque. Ah, bon, et ici? Ici aussi. Ah, bon. Et combien de pièces encore? Une chambre, une salle de bain et la cuisine. C'est bien. Mais son piano ne voit rien du tout. Il paraît. Mais comment se fait-il que vous soyez libre? Il n'est que 5 heures, votre magasin. Mais j'ai laissé la vendeuse. À cette heure-ci, les gens vont dîner en ville, ce sont des bouquets de politesse, on n'a pas besoin de moi. Un peu de Porto. Un doigt. Un des miens, alors, parce qu'un des vôtres, ce serait trop peu. Oh, très joli. C'est absurde. Encore une fadesse comme celle-là, je m'en vais. Excusez-moi. J'aime bien le Porto. Ben, serre-toi. Oh, ben, alors. Tu sais ce qu'il me disait tout à l'heure? Non. Mais ne le dites pas. Il me demandait si tu allais venir. Et si tu ne m'avais pas envoyé à ta place. Je vous avais promis de venir. Je suis venue? Oui, mais avec lui. C'est pas très gentil pour mon frère, ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'il dit? Mets-toi de ce qu'il te regarde, toi. Bon, parfait. Vous me reprochez de dire des choses idiotes, mais comment voulez-vous que je vous parle s'il est là? Seriez-vous moins sot s'il sort d'aller? Je l'espère. Bon, de toute manière, je vais le garder sous la main. À la première banalité, à la première insolence, je le rappelle. Si vous voulez. Bon, nous allons voir. Bon, j'ai plus besoin de toi, tu peux t'en aller. Oui. Tu peux t'en aller, j'ai plus besoin de toi. Mais oui, mais parfaitement. Je te dis que tu peux t'en aller. Oh, la barbe! Ben, tu dis de rester, oui ou non? Alors, si tu veux que je reste, ne me dis pas tout le temps de m'en aller. Il trouverait ça suspect à la fin. Je te dis de t'en aller. Ce matin, tu m'as dit, reste, même si je te demande de rester. Je reste. Mais pour la dernière fois, je te dis de t'en aller. Où? Oui, dans la pièce à côté. Jeff a deux mots à me dire en particulier. Ouais, mais son piano ne vaut rien du tout. Ça joue pas, Ali. Ça me donne la migraine. Dors. Ça me donne la migraine aussi. Travaille alors. Je t'ai dit que j'ai la migraine. En tout cas, va-t'en. Je vais rêver. Pourquoi lui avez-vous dit de venir? Vous me le demandez. Oui, pourquoi lui avez-vous dit « reste, même si je te demande de partir » Vous ne comprenez pas. Ah non? Regardez-moi. Bah oui, mais je ne comprends pas. Eh bien, c'est parce que je ne me sentais pas assez sûre de vous. Là! Oh! Oh, j'aurais dû comprendre. Dieu merci, je me suis reprise. Ah non, vous venez à peine d'arriver. Je sais bien qu'avec moi, vous vous reprenez toujours à la dernière minute, mais non, pas déjà, vous venez à peine d'arriver. Ah oui? Oui, non, mais faut pas m'en vouloir. Vous savez, j'ai pas l'habitude de la coquetterie, moi. Merci. Non, je sais bien que vous ne dites pas ce que vous pensez, que vous ne faites ni ce que vous dites, ni ce que vous pensez. Je sais bien que c'est quand vous êtes gentille que vous êtes méchante, mais moi, des regards comme ça, j'ai pas l'habitude. Faut tout m'expliquer. Alors, vous aviez peur de n'être pas sûr de vous? Mais quel bonheur. Vous aviez peur de n'être pas sûre de vous. Quelle chance. J'avais bien tort. Ah, oui, vous aviez tort, alors. Ah, et vous n'êtes pas émue? Non. Non, n'est-ce pas, je suis pas émue. Ben, vous n'attendiez pas cette minute-là depuis 15 jours? Non, à vrai dire, non. Oh, pourtant, il y a un moment où vous avez cru m'aimer assez pour ne pas oser venir seule. C'est possible. Ah, oui, et comme vous avez confiance en moi, c'est donc... En vous, que vous n'aviez pas confiance? Ma foi! Ah non, arrêtez, ne dites plus rien. Moi, je suis heureux pour 3 mois si vous ne me dites pas de choses méchantes. Hein. Ah ben, vous n'êtes pas très exigeant. Ben non, mais c'est que je vous aime tant que j'ai peur de tout casser par une exigence. Pauvre garçon. Je comprends maintenant pourquoi Richard vous appelle Jean de la Lune. Oh ben, il n'est pas le seul. Depuis le lycée, tous mes copains m'appellent comme ça. Alors. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est très gentil. Oh, certainement. Oh, comment puis-je rester un instant sans vous parler, moi, depuis 15 jours? Résume tout ce que j'ai à vous dire, tant j'ai peur de ne pas avoir le temps de vous les dire. Alors, d'abord, répondez-moi, hein. Êtes-vous toujours amoureuse de Richard? Oh, ce malin! Alors vous allez me parler de Richard maintenant? Non, non, mais je voudrais tellement savoir. Vous savez que j'ai aimé ce garçon comme une folle. Vous prétendez vous faire aimer de moi et vous venez me parler de lui. Mais je sais bien que c'est maladroit, mais j'ai besoin de savoir. Vous êtes trop bête. Ben, alors, puisque j'ai fait la bêtise, répondez-moi. Ben oui, j'aime Richard. Ah. Je l'aimerai sans doute toujours. Ah. C'est inutile de m'aimer. Oubliez-moi. Et maintenant, qu'est-ce que je dois comprendre? Que vous voudrez. Répondez-moi. Je vous ai répondu, oui, j'aime Richard. Là, êtes-vous content? Ben non, je suis pas content. Tant pis pour vous, on pose pas de questions pareilles. Ben, Marceline... Oh... Oh. Mais c'est qu'il a l'air d'avoir du chagrin, vraiment. Ben oui, Marceline, enfin... Vous n'avez qu'un moyen de vous faire pardonner. C'est de me regarder avec tristesse. Avec votre regard de bon chien et votre air désespéré, comme d'habitude. Comme lorsque vous dites que je ne vous aimerai jamais. Ah bon, vous voulez? Oui, c'est d'ailleurs l'air que vous devriez avoir après tout ce que je viens de vous dire. Comme ça? Non. Non, mais je savais pourquoi mon regard n'était pas bon, c'est que quand je vous ai regardé brusquement, j'ai senti que vous m'aimerez. Vraiment? Je m'embête carrément, moi, là-dedans. Non, mais 5 minutes, hein, s'il vous plaît, laissez-nous 5 minutes. Bon, alors 5 minutes, oui. Pas plus. Hein. Voilà. Alors, les autres choses que vous aviez à me dire? Avez-vous reçu ma lettre? Oh oui, je vous avais demandé de ne pas m'écrire. Si Richard l'avait surprise... Mais il n'aurait pu s'en prendre qu'à moi. Mais vous ne pouviez pas attendre 2 jours, puisque vous saviez que je venais aujourd'hui. Mais je voulais vous écrire des choses que je n'ose pas vous dire. Et que vous écrivez mal. Oh, alors là, il y a un mot que j'ai absolument pas pu comprendre. Attends. J'ai pas compris là, là, ça. Amour. Ah... En fait, j'avais compris le sens général, quand même. Ah. Et... Avez-vous pour moi Le mot illisible. Pardon? Je veux dire, si vous m'écriviez, y aurait-il un mot que je ne pourrais pas lire? Comment? Est-ce que vous m'aimez? Vous comprenez pas que je veux pas entendre? Ah. Mais pourquoi cette lettre? Fallait m'envoyer des fleurs! Vous devez connaître leur langage. Je les ai trop fait parler pour les autres. Et puis avec les fleurs de cette saison, mon bouquet aurait l'air d'une polissonnerie. Ah, alors j'insiste pas. Non mais d'ailleurs, si vous savez ce que je vais faire pour vous... Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais inventer une fleur. Celle-là ne parlera que pour vous. Vous allez inventer une fleur? Oui. C'est difficile, vous savez, mais ça ne serait pas la peine d'être le premier fleuriste de Paris. Surtout que je ne veux pas en abîmer une qui existe, non. Je veux en fabriquer une. D'autres se contentent de changer leur couleur, moi je veux en créer une. Je sais déjà son nom. La Marceline. Ah non, non, il y a trop de santé dans votre nom, trop d'autorité. Oh, alors si vous lui donnez pas mon nom, c'est vraiment pas la peine. Ce sera votre nom tout de même, c'est le nom que je vous donne quand vous n'êtes pas là. Lequel? Lily. C'est banal. Ah non, mais avec un Y à la fin. Hein. Même avec un Y à la fin. Oh ben. Puis c'est pas un joli nom de fleur, la Lily. La Lily aussi. Oh non. On dirait le commencement d'une chanson de mon frère. La Lily, la Lily, la Lily, la Lily. La Lily. Je suis très fier que ma fleur ait l'air de commencer une chanson. Et quand pensez-vous avoir fini de l'inventer? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez, Dieu a presque pensé à tout, hein. Ben oui. Surtout que je ne veux pas la faire en combinant deux autres, non. Je veux qu'elle soit pure, vous voyez? Ben, ma foi. Mais je vous aime tellement que je voudrais vous étonner. Ça vous étonnerait, hein? Ah, ça, oui. Mais faudra l'appeler la Marceline. Oh, non, non, non, pas Marceline, non. D'abord, Lily, c'est le nom d'Élise en anglais. Non, mais pas Marceline, non. Oh, alors là... La Marcelinette. Si vous voulez un peu moins de santé. Nous verrons. Bon, écoutez, inventez-la d'abord, nous arrangerons toujours, hein? Mais elle sera belle, vous savez. Oui. Je la vois déjà. Elle sera... elle sera toute noire. Toute noire? Oui, avec des reflets gris, comme certains velours. Oh, oh oui, toute noire. Et puis, je veux qu'elle soit lourde. Oh, oui. Et qu'elle ne sente rien, n'est-ce pas? Non, rien. Oh, ce sera merveilleux, Jeff. Oh. Si vous m'aimez, vous devez réussir. Alors, je réussirai. Oh, si vous réussissez! Oui. Alors, rien. Je suis folle, moi. Alors? Qu'allons-nous faire maintenant? Ce que vous voudrez. Ah, ça, non. Je comprends pas. Je vous dis, nous allons faire ce que vous voudrez et vous me dites, ah, ça, non. Ah, ça, non. Mais que diable voulez-vous en faire? Oh, quel bonheur que vous ne compreniez jamais rien, ça me dégrise. Ah, je vous ai dégrisé? Oh, ça, oui. C'est dommage. Mais puisque vous ne voulez pas faire ce que vous voulez, peut-être vous accepterez de faire ce que je veux. Peut-être. Vous feriez mieux de me donner carrément rendez-vous au restaurant. Hein. Veux-tu rentrer là-dedans tout de suite, toi? Mais je m'ennuie à périr. Entre là-dedans tout de suite et n'en sors que lorsqu'on t'appellera. Alors je me demande pourquoi tu m'as dit de venir. Alors, que voulez-vous? Non, mais c'est tellement bête que vous allez vous moquer de moi. Non, plus maintenant. Certainement plus maintenant. Ben voilà, Marceline. Toutes les fois qu'il est arrivé quelque chose d'important dans ma vie, j'ai entendu jouer un certain air. D'aussi loin que je me souvienne, à chaque fois que quelque chose de mauvais ou d'heureux m'est advenu, un piano, un orgue de Barbarie, un chanteur de cour, a joué cet air-là dans la journée. Le jour de la mort de mon père, tenez, ou le jour où j'ai acheté ce magnifique magasin, chaque fois, je vous assure, à chaque fois, c'est devenu comme une superstition. Alors j'ai tellement peur de perdre cet avertissement du destin que je préfère me le donner à moi-même. Et aujourd'hui, ben, vous êtes venu, Vous m'avez presque donné de l'espoir. Enfin, j'estime que quelque chose d'heureux, ou d'important, m'est arrivé. Alors, je voudrais entendre mon air. Faites. Oui, je l'ai là sur un disque. Hein. Très vieux, introuvable aujourd'hui. Hein. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je voudrais pas l'user trop vite. Il sert rarement. Alors, si vous commencez à faire de la musique... Va-t'en alors... Je me demande pourquoi tu m'invites venir. Donnez-moi la main, Jeff. Oh ben, qui ça peut-il être? Pourvu que ce soit pas Richard. Oh ben, pourquoi commencerait-il? Mais il vient pas vous voir de temps en temps? Oh si. Oh. Je dois ouvrir? Ben, d'ailleurs, nous ne faisons rien de mal. Oh, ça, n'est-ce pas, hein? Bon, oui. Ah, oui, il m'en faut du temps pour ouvrir, hein? Elle est là? Mais oui, je suis là, mon Richard. Ah, te voilà. Me voilà, mon chéri. Laisse-moi te regarder. Voilà. Et toi, veux-tu me regarder un peu? Tu ne remarques rien. Mais non, mon petit Richard. N'approche pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Attends, fous-moi la paix. Mais écoute, je ne fous-moi assez. Pourquoi... Assez, je te dis assez. C'est clair. Ah, te voilà, toi. 2 heures que je te cherche. Tu as de la chance, d'ailleurs, que je ne t'ai pas trouvé plus vite, parce que maintenant, j'ai repris un peu de calme. Enfin, je ne comprends pas, Richard. Tu ne comprends pas. Écoute, si c'est à cause de sa présence ici que tu te mets dans cet état, c'est vraiment pas la peine. Je lui fais la course, c'est entendu. Il s'agit bien de toi, espèce d'andouille. Ah bon, il s'agit pas de moi. Est-ce qu'on est jaloux de toi? Ah ben, tant mieux. Non. Je sais tout. Comprends-tu? Je sais tout. Tout quoi? Tu veux vraiment que je le dise devant lui? Mais moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Dis. Mais oui. Tu n'as pas peur que ça le décourage un peu? Moi, ça me décourage. Puisque c'est lui que tu as choisi comme nouvelle victime, t'as pas peur que ça le décourage, non? Bon, mes amis, si vous avez à vous expliquer, moi, je vous laisse. Oh non, non, non, Jeff, ne partez pas. Ah, tu as peur, hein? Tu as raison d'avoir peur, je suis violent. Mais tu as tort de compter sur lui. Parce que c'est pas lui qui m'empêchera de faire ce que j'ai à faire, je te le jure. Mais dis donc, permets. Je te dis de te taire. Et puisqu'elle veut que tu restes, écoute. Ça t'instruira. Mais je t'ai jamais vu dans un état pareil. Écoute, Richard, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais c'est faux. Tout est faux. Crois-moi, Richard, crois-moi, on a voulu me perdre dans ton esprit. On était jaloux de notre bonheur, mais je t'aime, Richard. Tu veux nier, pauvre idiote, mais hein? Oui, je nie. Bien sûr, elle nie. Alors, en 2 ans, tu n'as pas appris à me connaître. Tu as pu croire que je me serais contenté de vagues racontards, hein? Enfin, qu'est-ce que tu sais, dis-le. Dis-le donc. Ben oui, dis-le. J'ai tes lettres. Oh, des lettres. Tu vois, hein? Quoi? Tu ne te rappelles pas tes lettres? Tu veux que je te dise ce que tu y écrivais, ce que tu y disais de moi, hein? Richard, mais j'ai les siennes aussi! J'ai tout, je te dis! J'ai tout! Tu veux que je les lise, les siennes aussi? Tu veux que je te cite cette phrase où il prenait ma défense contre toi? Ma défense contre toi, parfaitement? Oh, pardon, Richard, pardon! Ah bah, tu prends plus la peine de nier maintenant, hein? Mais si, elle nie! Naturellement, elle nie! Mais elle niait donc, ouais. Ah ben, comment pourrait-elle? Tiens, il suffit que je lise une de ses lettres. Au hasard! Ce corps que tu as tant aimé hier, mon chéri, Vous avez écrit ça? Mais j'ai donc pas été bon avec toi. Si, Richard. Ce n'est pas ce que tu voulais, tout ce que tu voulais. Mais si. Non, non, pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Oh, est-ce qu'on sait, hein? Trouve une excuse, au moins cherche-en une. Oui, cherchez une excuse, Marceline, ça sera gentil. Ben, je crois que tu l'aimais, peut-être. Oui, c'est ça, je l'aimais. Et ben voilà, elle l'aimait. Elle l'aimait, c'est admirable. Oui, mais c'est fini maintenant. Ah oui, c'est fini parce que je le sais, hein. C'est fini parce que je le sais. Non, c'est fini parce qu'il m'a quitté. Il t'a quitté? Lui qui parlait toujours de ta trahison? Ah, ah, ça, c'est drôle. Alors. Comment il vous a quitté? On peut vous quitter? Ben, c'est un malin, lui. Il y a 8 jours. Une lettre glacée, pas un mot de tendresse. Richard, oh, j'ai été bien puni, Richard, bien puni. C'est pour ça que tu pleures, hein, parce qu'il t'a quitté. Non, mais non, au contraire, c'est parce que j'ai peur de te perdre. Oh, j'ai bien vu comme il était méchant et comme toi, tu étais bon. Crois-moi, Richard, crois-moi, je t'aime vraiment depuis 8 jours. Garde-moi, Richard, garde-moi. Je saurai me faire pardonner, je me ferai toute petite. Garde-la, Richard. L'autre idiot qui pleure maintenant. Non, mais je veux pas l'avoir dans un état pareil, alors garde-la. Le genre de la lune, vaste un amant comme toi qu'il faudrait. Oh, mais c'est pas possible, tu vas pas me laisser. Oh, mais si. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je suis bien tranquille. Oh, qu'est-ce qu'elle va devenir sans toi, ta petite? D'abord, t'es pas si petite. Dis donc, t'as le courage de lui dire des choses comme ça. Alors, on se verra plus. Tu pourras ne plus me revoir, ça ne nous rien, 2 ans de souvenirs. Bon, tu viens de me dire que tu m'aimais depuis 8 jours. Oh, puis cette scène est ridicule, je m'en vais, c'est tout, c'est fini, cet idiot. Alors, Richard, donne-moi ta main pour la dernière fois pour me dire adieu, oh. Richard, ta main. Oh, ta main, elle savait si bien me caresser, dis, tu te souviens, Richard. Allez, garde-la, Richard, personne ne t'aimera comme elle. Tu sais, faut pas croire tout ce qu'elle dit, hein. Non, oh, le Richard. Pardon, c'est très bien, crois-moi. Richard. Non, c'est une menteuse, une comédienne, elle... Elle pense pas un mot de ce qu'elle dit. Mais garde-la, ne serait-ce que quelques jours, tu verras bien si elle est sincère. Pour quelques jours, Dicky. C'est l'orgueil seul qui te fait agir comme ça. Si j'étais pas là, il y a longtemps que tu l'aurais prise dans tes bras. C'est vrai, Dicky. Ben oui. Oh, tu m'agaces, toi, tu sais. Ah, je te connais bien, va. Alors je viens, je peux venir, Dicky. Oh, je m'en vais pas craver, moi, là-dedans. Oh, vous voilà. Non, je passais, je m'en vais. Hein. Vous voilà. Oh, je suis sauvé. Non, je dormais par là, j'y retourne. Je suis sauvé. Comment pouvais-je croire que la sœur de ce type-là était sincère? Comment pouvais-je m'attendrir sur la sœur de ce type? Que dis-tu, Richard? Mais devant elle, devant ses sanglots, j'avais tout oublié, mais le voilà, lui, mon fidèle, mon sauveur. Le voilà qui ramène l'atmosphère louche, les mensonges, les petites fourberies de tous les jours. Merci, mon vieux, je vous dois une fière chandelle. Vous avez fait du propre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais me laisser reprendre, mais grâce à Dieu, il y a cet imbécile, hein? Il y a ce brave imbécile. Que dis-tu, Richard? Que dis-tu? C'est embêtant de l'entendre chanter faux tout le temps, mais au moins, ça sert à quelque chose. C'est à cause de lui que je sais tout. C'est pas vrai, Marceline, c'est pas vrai. Je te jure que je lui ai rien dit. Le grand pas, Marceline. Il a rien dit, le pauvre diable, il a rien dit, seulement c'est une gourde. Oh, Richard, tu m'étais revenu pourtant. Je voudrais pas faire de tort à ton frère, parce que je sais pas ce qui viendrait sans toi, mais laisse-moi te donner un conseil, ne le garde pas près de toi. Car il te ressemble. Oh, par exemple. C'est vrai, on me l'a toujours dit. Vous avez la même âme, comprends-tu? Seulement chez lui, on la voit tout de suite. Ce n'est pas vrai, Richard. Bon, dis donc, toi. Que veux-tu? Ton frère, ça a été brusquement pour moi les histoires de domestiques, dont vos lettres sont pleines. Donne la clé à Emma, envoie le pneu à l'adresse d'Augustine. Ton frère, c'est la confidence entre deux portes. C'est l'ami de pension qu'on a retrouvé. C'est la poste restante. Tout ce qu'il y a de douteux et de coupable dans la main. Ne recommence pas, Richard. Bah, mais tu ne te rappelles pas bien tes lettres? Bon, on n'y parle que de Clo-Clo. Qui lui appelait ça Clo-Clo? Pas du tout, vous. Oh, tu n'as qu'à le dire à Clo-Clo, je te le ferai savoir par Clo-Clo. Et quand on a peur que je me doute de quelque chose, rassure-toi, il y a Clo-Clo. Alors ça sent Clo-Clo. Je sais pas ce que vous seriez devenu, hein? Ça, c'est bien vrai. Oh, mais taisez-vous donc. Non, mais dis donc, vous. Que faire? Je vois bien que tu t'es perdu, tu as repris ta mauvaise voix, ton air buté. J'ai plus qu'à mourir. Elle a plus qu'à mourir. Ah, fais-le donc taire. Ne le laisse pas parodier tes phrases, on en voit trop le vide. Il s'en est trop servi. Quand l'autre t'a quitté, il a dû aller lui dire aussi avec sa voix de fonctionnaire, elle n'a plus qu'à mourir. C'est bien ça le son, il a moins de talent que toi. On voit trop qu'elle est récitée. Mais enfin, arrêtez de vous déchirer comme ça, enfin. Ah, dites donc, c'est surtout moi qu'on déchire. Malheureux idiot. Quand cesseras-tu de pleurer bêtement sur ton amour propre? Ce qui t'ennuie, c'est d'avoir été dupé. Dupé par Clo-Clo. Mais tu n'as même pas de chagrin. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Non, tu n'as pas de chagrin, pas de chagrin. Je vois bien, moi qui en ai. Malheureux, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas que ce n'est plus la femme de ces lettres qui te parle. Oh, mon pauvre Richard, quel amour tu vas perdre. Oh! Non, mais elle me plaint maintenant. Oui, je te plains. Je te plains de ne rien comprendre. Oui, je t'ai trompé. Oui, je t'ai trompé. Mais puisque je te dis que c'est pour ça que je t'aime. Oh! Tu me reviens mort, des regrets. De remords quand je te vois si près du bonheur et ne rien comprendre. Ah, malheureux, malheureux. Malheureux. Tu as vu de quoi j'étais capable quand j'aimais, tu me repousses. Oui. Mais tu ne me connais pas du tout. Quand je pense que tout à l'heure tu as dit en parlant de Jeff que je l'avais choisi comme nouvelle victime, mais je m'en fiche bien de lui. Il n'a qu'à répéter ce que je lui disais tout à l'heure. C'est inutile de m'aimer, je lui disais. N'est-ce pas, Jeff? Oui, Marceline. Oubliez-moi, n'est-ce pas, Jeff? Oui, Marceline. J'aime Richard, n'est-ce pas, Jeff? Oui, Marceline. J'ai refusé qu'il donne à mon nom à une fleur qu'il avait inventée. Vous avez inventé une fleur, mes compliments? Mais qu'est-ce que tu veux démontrer? Qu'il n'y a rien entre Jeff et toi, mais je le sais bien. Et qu'est-ce que ça prouve? Que Jeff est un idiot. Tu me l'as dit toi-même, quand je serai bien usé, que personne ne me fera plus la cour, alors j'épouserai Jeff. Oh, Marceline... On te fait encore la cour, que je sache. Et aux autres, tu ne dis pas « oubliez-moi », tu ne dis pas « j'aime Richard », tu ne dis pas que t'aimer, c'est inutile. Tu veux que je te dise ce que tu leur dis aux autres? Tiens, ah. Au hasard, une nuit sans toi, et je me... Oh, ah. Ah oui, tiens. Ah ben, il y a un mot que j'ai pas pu lire, là. Qu'est-ce que c'est? Amour. Oui. Celle-là, tiens. Celle-là. Non, Richard, épargne-moi, je t'en... Oh, tu as écrit ça. Tu as pu écrire ça. Pardon, Richard, pardon. Mais je suis une gare. C'est une sale petite gare, tu vois ce que c'est. Richard. Mais pendant 2 ans, j'ai perdu ma vie avec ça. Nom de Dieu, de nom de... Oh, dis donc, mon chine, il est cassé. Je refusais tout, je refusais de sortir avec les copains. Oui, bah maintenant que tu y es, reproche-lui aussi de t'avoir fait rompre avec tes maîtresses. Tout ça pour la sœur d'un clo-clo, tiens. Pardon? Tout ça pour la sœur de cet immonde personnage. Qu'est-ce que je dis, Gustave? Mais pardonne-lui, Richard, puisque tu l'aimes, alors. Jamais, je te dis jamais. Bah alors arrête, pourquoi? Si tu ne lui pardonnes pas, pourquoi prolonges-tu cette scène qui te déchire? Non, bah toi, tu ne dirais rien. Non, je me tairai ou je pardonnerai. Mais je crois que je pardonnerai. Ouais, toi, tu es un mou, hein? Tu es un faible. Tu ne viens pas de prouver que tu étais un fort. Ah oui, là, le... Ah, tu m'embêtes, hein? Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Bon, alors, qu'allons-nous faire pour les meubles? Oh non, Richard, tu vas pas me quitter, tu m'étais revenu, Richard. Qu'allons-nous faire pour les meubles? Ça te prendra pas bonheur d'être méchant comme ça avec alors, moi. Alors, pour les meubles? Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu t'en vas, tout m'est égal. Je me permettrai de vous rappeler que le bahut breton est un souvenir de famille. Marceline y tient. Enfin, nous y tenons. Enfin, j'y tiens. Oui. Soyez tranquille. Alors, pour le piano, n'est-ce pas? J'aimerais bien... Oui. D'accord. Merci. Ah ben, c'est pas la peine de parler de tout ça. Je prendrai rendez-vous demain matin pour régler les derniers points avec ton homme d'affaires. Oh, hein, vous m'embêtez, à la fin. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez dit? Moi? Oui, vous. Moi, mais j'ai dit que vous m'embêtiez, à la fin. Non, mais vous osez dire quelque chose. Oh, mon sac, ça! Mais faites attention, enfin. Oh, mais qu'est-ce que j'ai sous les pieds? Mais c'est mon disque. Oh, mon disque. Marceline, je n'aurais plus... Il est cassé. Ah ben oui. Mon air, Marceline. Quoi? Quelque chose d'important va se passer aujourd'hui pour moi, Marceline. Tu raconteras ça une autre fois, hein? Où en étais-je, moi? Alors finissons-en une bonne fois pour toutes. Oh oui, finissons-en, j'en peux plus. Bon, alors, tu garderas l'appartement, il est charmant, mais ton souvenir me le rendrait inhabitable. J'en veux pas non plus. Bon, ben alors, il vendra le bain, il vendra l'installation, je suis pas en peine, hein? Mais ben non, oui. Tu as raison de parler comme tu le fais. Je te vois tel que tu es. Ah, il faudra aussi que tu renvoies la bonne. J'ai dû l'interroger. Tu n'auras plus aucune autorité sur elle quand elle saura que tu n'as pas su me retenir. Lâche, misérable lâche. Demain, je t'enverrai un chèque et j'espère que Clo-Clo sera content. T'en veux pas de ton sale argent? Défie-toi de tes premiers mouvements, Marceline. J'ai mal. Excuse-moi alors, je ne voulais pas te faire souffrir. Tu m'as sans doute trompé pendant 2 ans, mais je m'en suis pas aperçu. Tu sais si bien faire croire ce que tu veux qu'on croit. C'est terrible, ça. Ah, puis aussi, il faut que je te rende tes lettres d'amour. Mais comme nous nous sommes jamais quittés et que tu ne m'as jamais écrit, je vais te rendre celles que tu écrivais à Jacques. Tous les amoureux ont des lettres d'amour. Voici les nôtres. Assez, Richard, assez. Peut-être quand je te les aurai rendues, finirai-je par les oublier. Peut-être que ce qui fut notre amour, débarrassé de cette infamie, gardera-t-il assez de force pour faire un gentil souvenir. Au secours, Nef, au secours! Oh, Marceline. Oh, qu'il se taise, faites le taire! Bon, ben, tais-toi, Richard! Non, mais dis donc! Tais-toi! Non, mais dis donc, toi! Non, mais tu veux m'imposer silence, toi? Oui, moi! Quoi? Tu veux me faire taire, toi? Oui, parfaitement. Bravo! Bravo, chef! C'est pas assez que vous soyez tous foutus de moi, je pourrais même pas le dire! Mais tu l'as assez dit! Oh, oui, mais... oui. Nom de Dieu, mais c'est ce que nous allons voir, hein! Vous voulez me faire taire, oui, hein? Mais je ne me tairai pas! Mais qu'est-ce que c'est que ce vase? Ah, ouais, ça. Pendant que j'achète le pareil pour chez moi. Mais d'abord, de quoi te mêles-tu? Elle m'a appelé au secours. Oui, mais alors? Bon, tais-toi maintenant, je t'ai laissé parler, hein. J'ai entendu tes griefs. Certains sont justifiés. Ta colère, dont tu ne modères pas assez l'expression, me semble légitime. Mais il y a une chose dont tu ne sembles pas assez te rendre compte, c'est que Marceline t'aime réellement. Que son chagrin est profond, que jamais peut-être personne ne t'aimera comme elle t'aime en ce moment. C'est mon devoir de te le dire. Hein? Tu ne vas pas lui reprocher d'être moins jolie parce qu'elle a pleuré à cause de toi. Écoute-le, Richard. Mais écoutez-le, Richard. Une chose encore me fait croire que tu as tort de la quitter. J'ai entendu ce que tu lui as dit. Je devine ce qu'il y a dans ses lettres. Je devine ce qu'elle a fait. Je l'aimais avant, je l'aime encore maintenant. C'est tout de même une indication, non? Pardine, c'est pas toi qu'elle a trompé. Et ce n'est pas moi non plus qu'elle aime. Hein? Tu dis, je suis un naïf, une dupe, faut pas se laisser impressionner par toi. Hein? Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Mais si ton amour n'est pas complètement mort, laisse-le revivre ou agoniser en sa compagnie. Non! Non, je partirai pour Londres demain et... Bon. Faut-il encore lutter, Marceline? Oh non. Bon, alors... Alors, adieu, Richard. Hein? Il n'y aura rien à me reprocher, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous réconcilier. Je le reconnais. Bon. Tu es bien décidé? Oui. Le chagrin de Marceline ne te touche pas? Ah, non. Tu ne regretteras rien? Oh, hein. Regretter une femme pareille? Alors, je la prends. Marceline, voulez-vous... être ma femme? Votre femme, chef? Oui. Ta femme? Je vous sens perdu, désespéré, je vous aime. Voulez-vous que j'essaie de vous consoler? Ta femme? Oui, elle m'a appelé au secours. Vous ne répondez pas? Oh, elle accepte, sois tranquille! C'est ce qui te trompe et qui prouve une fois de plus que tu ne me connais pas. Je vous remercie, Jeff. Je vous remercie du fond de l'âme. Tu n'acceptes pas! Vous êtes un trop noble cœur pour que je vous fasse courir un pareil risque. Vous souffririez trop si je vous épousais maintenant. Laissez-moi d'abord oublier celui-là. Après, j'essaierai de vous aimer. Oh, je m'y appliquerai de toutes mes forces. Oh, mais vous m'aimerez? D'ailleurs, j'ai entendu mon air. Elle t'aimera, sois tranquille. Eh bien, mes amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de m'oublier le plus rapidement possible. Je suis navré de perdre un ami en même temps que... Ah ben pourquoi? Nous pourrons très bien nous voir quand ce sera fini, quand elle aura oublié. Tu dois savoir avec quelle facilité elle oublie. Alors, quand elle t'aimera plus, tu n'existeras plus, tu seras comme Jacques. Ah! Bah, bien sûr, c'est évident. On pourra se revoir, n'est-ce pas, Marceline? Jamais, je n'en verrai jamais. Non, mais elle dit ça parce qu'elle t'aime encore, mais quand ce sera fini, tout s'arrangera très bien. Je le souhaite. Eh bien, Marceline, je suis ravi que tu aies trouvé si facilement à me remplacer. Tu ne pouvais mieux choisir, Jeff te rendra très heureuse. Une seule chose m'ennuie, c'est qu'avec lui, tu vas même pas me regretter. Mais pourquoi dis-tu ça? Parce que moi, j'avais quand même mes mouvements d'humeur des jours où j'étais pas très gentil. Tandis que toi... Mais sois tranquille, elle te regrettera. C'est même peut-être ça qu'elle regrettera. Bon. Eh bien... Adieu, Marceline. Tu ne veux pas me dire adieu? Mais dites-lui adieu, alors. Adieu. Bon, donne-moi la main, quoi. Mais donnez-lui la main. Pourquoi il s'en va? C'est tout cet idiot. Oh non, tout à l'heure c'était lui qui voulait pas, maintenant c'est vous. Allons, quoi, allez, donnez-lui la main, quoi. Bon. Tu as l'air de m'en vouloir, mais c'est un peu fort tout de même. Écoutez, mes enfants, si vous vous aimez encore, réconciliez-vous. Ah non, je ne veux pas me réconcilier, mais je trouve un peu fort qu'elle m'en veuille. Ne recommence pas. Alors, adieu, Richard. Allez. Adieu, adieu. Hein. Adieu, Marceline. Tu me plais. Appelle-moi Clo-Clo. Je te ferai remarquer qu'on ne baille pas à table. Excuse-moi, mon vieux, je suis crevé. Ah ben, en tout cas, tu pourrais bailler plus discrètement. Tu pourrais mettre ta main devant ta bouche. Ma main est trop petite. Je pourrais pas cacher toute ma bouche. En tout cas, tu pourrais bâiller plus discrètement comme ça, là. Oh, naturellement, c'est malin, toi, t'as pas envie de bâiller. Oh, dis donc, je pourrais très bien avoir envie de bâiller. J'ai au moins autant de raisons que toi d'avoir envie de bâiller, hein. Je ne crois pas. Dis donc, je travaille un peu plus que toi, alors en fin de journée, j'aurai le droit d'être un peu plus fatigué. Oh, écoute, mon vieux, c'est pas une question de fatigue, c'est une question de sommeil. Le sommeil. En tout cas, je te demande de bâiller comme ça. Comment dis-tu? Comme ça, Comme ça. Mais non. Comme ça, là, tiens, regarde, comme Marceline, par exemple. Oh. Ah, avec vos discours idiots, m'avez donné aussi envie de bâiller. Comme ça. Mais non, comme ça. Je peux pas. Non. Je peux pas, moi. Mais c'est pourtant pas si difficile. Non, tes petits trucs distingués, ça délasse pas. Mais... Bah tiens. Tu vois, quand t'as envie de bailler, tu bailles comme tout le monde. Ouais, mais c'est idiot. Bon, ben, maintenant, je vais pouvoir voir bailler tranquillement. Ouais. Si le café était prêt, nous pourrions le prendre, ça nous réveillerait. Ouais. Oui, mais... Le café est-il prêt? Je ne saurais te répondre. Peut-être le café est-il prêt? Il se pourrait que le café fût prêt. Je ne crois pas que le café soit prêt. On pourrait peut-être sonner la bonne. Carrément. La bonne est sortie. Ben, qui lui a dit de sortir? Mais monsieur, naturellement. Moi? Ben alors t'es complètement idiot, mon pauvre ami. T'envoies la bonne à l'autre bout de Paris, tu nous demandes de la sonner, où l'as-tu envoyée? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, je sais plus. Excuse-moi, je suis tellement crevé. Oui, mais que, alors ne baille pas, surtout ne baille pas. Hein? Alors, pas de café. Pas de café. Dommage. Le café est très bon pour les artistes. Oh, c'est embêtant! Pourquoi fermez-vous toujours le piano à clé? Vous le faites exprès? Oui. On ne veut plus t'entendre travailler des papillons dans la prairie. Bon, ben, c'est entendu, ça ne vient pas. Ah, non, ça... C'est-à-dire, je donne bien la prairie? Mais je peux pas arriver à donner les papillons. Mais tu ferais mieux d'y renoncer carrément, hein. Est-ce que tu renonces, toi? Moi? Est-ce que tu renonces à inventer ta fleur? Ah, non. Eh ben alors? Mais moi, quand j'invente, je ne fais pas de bruit. Alors, pour toi, la musique, c'est du bruit? Ta musique, oui. Une chose comme cœur brisé, par exemple, c'est du bruit. Ah oui? On dirait qu'il est brisé tellement tu l'as cogné par terre. Ben, tout le monde n'est pas de ton avis. Quelqu'un d'un peu mieux qualifié que toi me disait hier encore, c'est fluide, c'est aérien. Oh, ouais. Comme on voit que vous avez dû souffrir. Oh. Et puis toutes les mélinettes le chantent, t'as calé à la sortie des ateliers, tu l'entendras. Ouais. Elles comprennent la poésie de ça. Rien comme si tu veux, c'est poignant. Eh ben tant mieux. En tout cas, je trouve, quand je cherche, moi, je ne suis pas comme certains imbéciles qui se croient spirituels et qui ne sont même pas capables d'inventer une fleur. Dis donc, la musique, c'est pas difficile, il n'y a que 7 notes, alors n'importe comment on les met, on obtient un air. Tandis que inventer une fleur, ajouter à l'œuvre de Dieu... Mais si c'est si difficile, invente une fleur artificielle. Vous m'agacez. Oh, ben mon petit... Je vous dis que vous m'agacez. Oh, bon, ben... Parce que la bonne ne revient pas, va faire le café. Bonne idée. Oh, ben, dites, vous m'embêtez. On va faire le café, je... Bon, ben oui, d'accord. Allez. Alors? Ben, je te l'ai dit avant le dîner. Gaston est introuvable. Tu es allé partout? Ben, partout. Chez sa mère aussi? Ben oui, il n'y avait personne. Et chez lui? Mais voyons, naturellement. Où peut-il être? Ah, je ne sais pas. Voilà un jour et une nuit que je lui cours après. Je crois qu'il est parti. Oh, t'étonne, ne dis pas ça. Ah, je te le dis tout de même. Oh, c'est pas possible, voyons. J'ai tous les torts, je te dis. Je lui ai fait une scène idiote. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Mais il m'a pas cru, voyons. Peut-être que si. Mais un homme ne croit pas ça tout de suite. Oh, tu sais, Gaston est un original. Mais c'est pas possible, il va pas s'en aller comme ça bêtement pour le Brésil. Oh. Comment veux-tu que je le rejoigne, moi? Oh, si c'est en bas, tout est perdu, tout est perdu. Oh, écoute, ne pleure pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu, moi. Toute la nuit, toute la journée, j'ai galopé dans Paris à sa recherche, alors c'est vraiment pas ma faute. En admettant qu'il s'en aille vraiment, il va tout de même rentrer chez lui faire ses mal. Bah, probablement. Alors il trouvera Louise. Ah, c'est chez lui que j'ai envoyé la bonne. Oui. Ah, oui, elle lui dit que je vais absolument lui parler avant qu'il parte. Il me revoit et je le garde. Ben oui. On doit être là, attendre, sans pouvoir rien faire, alors qu'il part peut-être. Allons, allons, voyons, voyons, allons, allons, allons, voyons. Oh, si tu allais voir au cercle. Ah non, non, non, écoute, j'en peux plus. Hein. Moi, j'ai pas dormi depuis 24 heures, moi. Chut, chut, chut, chut, tais-toi. Je crois qu'il sera bon. Oh, ben dis donc, imbécile. Quoi? T'aurais pu moi mettre les tasses, t'es même pas capable de prendre cette initiative. Excuse-moi, mon vieux, je suis crevé. Ah oh, oui, ben... Tu lui bavardais encore avec ta sœur. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien vous raconter comme ça à longueur de temps? Bah, tu sais... Bah oui, tu l'as vu hier, t'as déjeuné ici ce matin. T'as téléphoné deux fois cette nuit. À propos, hein, je te demande de plus téléphoner la nuit, hein. Tu nous réveilles à chaque fois, et pour dire quoi? Je te le demande. Ça, c'est vrai. T'aurais pu attendre ce matin pour me demander l'adresse de ma couturière. Tiens! Je t'ai demandé l'adresse de ta couturière? Ah, parce que... Tu sais même plus ce que tu lui as demandé. Excuse-moi, mon vieux, je crois que j'étais un peu souple. Ouais. À la prochaine fois, tu seras sous, fais-moi plaisir, prends ton carnet d'adresse, téléphone à un marchand de Porto, de tableaux anciens, mais fous-nous bien la paix. Hein? Voilà, encore un peu. À propos, faudrait me la redonner. Quoi? Je dis... Il faudra me redonner l'adresse de ta couturière. C'est pour ma petite amie. Dieu me faire mourir. Bon, je vois pas ce qui te fait rire. Ah non, mais en tout cas, je ne veux pas la voir, hein, pauvre petite. Une si triste fin. Oh. Oh, tu es vraiment drôle. Ah, oh, c'est mal, je te le dis en vérité, c'est très mal. Non, je sais bien, la pauvre enfant, certainement, elle n'avait plus d'espoir, mais quand même, être condamnée à avoir quotidiennement devant les yeux une tête comme la tienne, mais qu'a-t-elle bien pu faire pour être si durement punie? Gravement. Oui, oui, oui, oui. En tout cas, tu peux lui en acheter des robes pour te faire pardonner. Bon, hein. Ben, ça va, hein, ça va. Tu veux encore un peu de café? Non, merci. Et toi? Parole. Quoi? Je passe. Ah, oh. Et parce que je t'aime, que tu m'aimes quand même. Même quand même, do dièse. Combien de fois faudra te le dire? Ah oui, que tu m'aimes quand même. Non, do dièse, je te dis, quand même. Mais je fais ce que tu fais. Tu sais bien que je chante faux. Alors ne fais pas tout le temps ce que je fais, fais le do dièse. Ah oui, c'est facile à dire, c'est quoi un do dièse? Tiens, donne-moi le piano. Ah non, pas de piano, non, pas de piano, chante, vas-y. Bon, bah alors chantons ensemble. Allez, chantons là. Je te soutiendrai toujours un peu. Oui. Alors attention, c'est à trois temps. Oui. Un, deux, trois. Attends. Une mesure pour rien. Ah, pardon. Un, deux, trois. C'est parce que... Mais qu'est-ce que t'attends? Parce que depuis que je sais que t'as une petite amie, je voulais t'entendre dire « Je t'aime ». Oh, ne fais pas l'idiot, hein. Reprenons. Un, deux... Il ne me gère pour rien. Un, deux, trois. C'est parce que je t'aime. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Avant je t'aime, il y a un soupir. Ah, faut soupirer avant de dire je t'aime. C'est comme dans la vie, alors. Ben voyons, naturellement. La musique, c'est la vie. Ah bon? C'est parce que, un, je t'aime. Bon, allez, alors reprenons. Alors attention. Allez, un, deux, trois. C'est parce que... Un, je t'aime, que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, dont tu m'aimeras toujours. J'adore cette chanson, moi. Elle est stupide. Les chansons dont j'écris la musique ne sont pas stupides. Alors fais-nous plaisir, imbécile, dis-nous la fin. Et je ne me le rappelle pas exactement, mais ça doit être à peu près comme ça, là. Ça doit être à peu près... Non, ne chante pas par la musique, on te demande les paroles. Ah oui, voilà. Voilà. J'avais bien pensé à ne plus t'aimer. Je me disais, au moins comme ça, je serais tranquille. Mais j'ai réfléchi. Puisque tu ne m'aimes que pour mon amour, si je ne t'aime plus, tu ne m'aimeras plus. Et alors moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça épatant, moi. C'est absurde. Quoi? Oui. La preuve, c'est qu'on peut la chanter à l'envers. Comment ça, à l'envers? Oui. Oh. C'est parce que tu m'aimes que je t'aime quand même. Je t'aime pour ton amour, donc je t'aimerai toujours. C'est bien une idée de femme, ça, mais ça n'a pas du tout le même sens quand un homme dit « Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours ». C'est un hommage, tendre, joli, un peu idiot peut-être, mais joli, n'est-ce pas, imbécile? Mais rien, naturellement. Mais quand une femme dit « Je t'aime pour ton amour, donc je t'aimerai toujours », ah non, c'est de l'orgueil, ça. C'est une confiance en soi un peu exagérée, peut-être, mais ça change, ça détruit tout le charme de la chanson. Non, mais c'est bien, mais tu as raison. Mais qu'est-ce que t'as l'air nerveuse? Oui, je suis d'une humeur massacrante. Mais quoi, on est là en famille, on prend le café, on chante, c'est plutôt gentil, non? Non. Ah? Ah bon, ben alors... Qu'est-ce que tu as? Tu as mal aux dents? Mal aux dents? Hein? T'as grosse molaire? Non. Tu as rhumatisme? Oh, coup de shampoing, si quelqu'un t'entendait, ma grosse molaire, mon rhumatisme, vraiment c'est poétique. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve que tu as une façon charmante de souffrir. Vraiment? Oui. Même quand tu dis aïe, je trouve ça ravissant. T'as remarqué? Oui, tous tes gestes d'ailleurs. Hein, n'est-ce pas, imbécile? Hein? Allez, il dormait, mais quand on parle plus de sa musique, il s'endort. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, n'est-ce pas que ta sœur est ravissante? C'est pour me demander ça que tu me réveilles? Oui. Alors la prochaine fois que tu t'endormiras devant moi, je te réveillerai pour te demander, n'est-ce pas que t'es idiot? Oui. Tiens, voilà Louise. Tu crois? Ben, qui veux-tu que ce soit? Déjà? Ah ben, déjà! Déjà! Tu vas lui reprocher de mettre trop longtemps pour faire les courses, ben... Quel bavarde, hein, tu les entends? Dis donc, tu vas enfin savoir ce que tu lui as demandé d'aller chercher. Ah oui? C'est drôle, hein? Je voudrais bien être à ta place. On demande quelque chose, on oublie ce que c'est, on nous l'apporte. C'est comme la loterie, quoi. C'est comme la loterie. Je vous assure, madame, que ça n'est pourtant pas de ma faute. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Rien! Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Ah, ça, j'en suis sûr! J'expliquais quelque chose à madame. Bon, mais est-ce que vous avez rapporté ce que monsieur Clo-Clo vous a demandé? Quoi? Quoi, quoi? Vous comprenez pas le français? Monsieur Clo-Clo ne m'a rien demandé! Bah alors, t'es complètement fou, toi, alors, hein? Alors, ça doit être ça. Alors, pourquoi vous êtes sorti? Même ne souviens pas. Je lui avais demandé l'autorisation de m'absenter pour une affaire personnelle. Mais oui! Ah. Oui! Ben, je croyais que c'était Clo-Clo! Ah oh ben, je respire, tu finiras par m'inquiéter à toujours dire que je suis idiot. Ah. Bon, ben, c'est bien, vous pouvez disposer. C'est que je voudrais demander quelque chose à madame. Mais parlez, ma fille, parlez. J'ai dit à madame. Viens faire un piquet, puisqu'elle veut parler à madame. Mais que peut-elle bien avoir à lui dire que je ne puisse pas entendre? Je t'assure, hein? Non, mais... T'es injuste avec cette petite. Parce que Louise a pu changer. Madame devrait essayer de téléphoner. Oh, mais à quoi bon? Il est parti maintenant, c'est sûr. Peut-être pas. Il est parti, il est parti. Mais alors, madame, il ne faut pas vous laisser aller. J'aurais attendu plus longtemps là-bas. Seulement, comme nous n'avions pas décidé de ce que nous dirions à monsieur, j'ai eu peur qu'il ne s'étonne de mon absence. Je m'en suis bien tirée, n'est-ce pas? Oui, oui, mais... Oui, vous trouverez votre petit supplément à la fin du mois, oui. Je n'aime pas voir madame comme ça, madame qui est toujours si gaie, si vivante. J'ai du chagrin, Augustine, j'ai du chagrin. Augustine, madame me confond avec son ancienne femme de chambre. Enfin, dans l'état, oui, madame. Oh, vous avez raison, je vais téléphoner. Oh, ce standard, c'est insupportable. Allô? Allô, allô, je voudrais Palaiso 14-19, s'il vous plaît. Hop. C'est pas libre! Il est là! Il est encore là! J'y vais, j'y vais! Prévenez monsieur Clo-Clo, il expliquera à monsieur Orphée, il s'arrangera. De toute façon, je ne serai pas longtemps, ce n'est pas loin. Oh, je vous en supplie, vite, vite, vite, refaites les numéros. Dites que j'arrive, qu'il ne parte pas avant de m'avoir revu. Allô, mademoiselle? Voulez-vous être si gentil de me rappeler quand Palaiso 14-19 sera libre? Merci beaucoup. C'est très important. Merci. Monsieur Clotaire, madame voudrait vous dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Madame est partie. Pour tout de suite. Pour de bon. Mais non, madame est sortie. En fait, attention à ce que vous dites, vous m'avez coupé la respiration. Si vous croyez que le service de madame est facile... Bon, écoutez, vous fâchez pas, elle est là-bas. Naturellement. Elle a demandé qu'on téléphone pour dire qu'on l'attend. Seulement, ça n'était pas libre et la demoiselle doit nous sonner. Ah, bon. Eh ben... Oui, oui, oui, oui. Quelle est votre impression? Il se cache, il veut plus la voir. Ah, tout s'arrange, hein? Ah, je ne crois pas. Le chauffeur me l'a bien dit l'autre jour. Madame était trop dure avec Monsieur Gaston. Mais quel besoin avait-elle d'aller faire souffrir celui-là? Elle a un mari charmant, qu'elle le trompe si elle veut, mais qu'au moins elle rend heureux ceux avec qui elle le trompe. Ça, je suis bien de votre avis. Et elle va souffrir maintenant. Ça, d'autant plus que madame a un caractère très difficile quand elle souffre. Bon, c'est 15 mauvais jours à passer. 15 jours! Oh, 3 semaines maximum. Eh, hey, dis donc, hé! Difficile! Et voilà, voilà, oui, ben je t'attends. Où est Marceline? Marceline? Oui, quoi, tu comprends pas ce que je te dis? Ben si, justement. Quoi, justement? Elle est sortie? Ben oui, oui, n'est-ce pas, voilà. Elle est sortie. Eh ben, tu peux pas me dire elle est sortie? Si, évidemment, je peux dire elle est sortie. Et où est-elle allée? Ah, je ne sais pas, tu le lui demanderas. Elle a fait claquer la porte en partant, elle paraissait furieuse. Non. Et vous ne savez pas où madame est allée? Non, monsieur. Oh, écoute, Louise, alors, on lui demande quelque chose, elle s'en va, ou on l'a tout le temps dans les jambes, on est obligé de faire le café soi-même, parce qu'elle va régler ses affaires personnelles. Non, non, mais je t'assure, tu es injuste avec cette petite, hein. Alors, Marceline était furieuse? Hein? Oui, oui, oui, un peu. À cause de toi, j'en suis sûr. Quoi? Vous vous êtes encore disputé? Ah, ben, si. Tu lui as dit des choses désagréables? Oui, oui, oui, oui, là. Oui, oui, oui, oui, c'est pas grave, au moins. Ah, non, non, non, non, non, non, seulement, elle est furieuse. Écoute, c'est même pas la peine de lui en parler. Non, non, sois tranquille, mais... Pourquoi vous vous disputez tout le temps comme ça, hein? Tu sais... Vous vous adorez, je le sais bien, vous passez votre temps à vous faire des scènes. Entre frères et sœurs, Oui. Regarde-toi, en ce moment tu boudes, on dirait qu'elle t'a volé ta trottinette. Si nous finissions notre piquet... Non. Non, non, excuse-moi, je suis énervé, je vais... Je vais attendre Marceline. Bon. Ouais. Eh ben moi, je vais travailler quelques mesures. C'est ça. Donne-moi la clé, voyons. Quelle clé? La clé du piano. Tu vas encore faire du bruit. Oh, t'es pas drôle, hein? Bon, tu me jures de pas travailler les papillons dans la prairie. Je te le jure. Bon, tiens, la voilà. Tant pis, enfin, amuse-toi bien. Ah non, pas les psss, non? Ah bon, oui. Ah, là, là. Quelle famille. Oui. Allô? Ah non. Non, ce n'est pas moi, non. J'ai pas demandé pour les ISO 1419. Ben, c'est rien, mademoiselle, je vous en prie. Allô, allô, oui. Mais c'est pour le Palaiso 1419, s'il vous plaît. Oui, donnez-le-moi, mademoiselle. Non, non, non, non, c'est pas une blague. Non, non, non, non, je vous assure, c'est pas une blague. C'est même très important. Oui. Merci, j'attends. Ah, zut! Pas libre! Oh, c'est fou ce qu'on lui téléphone à ce type-là. Écoutez, mademoiselle, voulez-vous me rappeler quand il sera libre? Oui, non, non, non, mais je vous assure, ça ne se reproduira pas. Non, non, non, non. Je ferai très attention. Oui, oui. Merci, merci. La la la la la la la. Allô? Mais non! Mais non, je vous ai pas demandé, pas les autres. Mais vous, bien, non! Oh! Ils sont assommantes avec leurs erreurs. Ah oui! J'ose plus le lui demander maintenant. Elle va me traîner dans la boue. Allez, tant pis. Pour ma soeur. Allô, allô? Allô, allô? Oh! Je vais le demander naturellement comme si rien ne s'était passé. Allô, oui? Pas les eaux 1419, s'il vous plaît. Hein? Non, non, je vous assure que vous vous méprenez absolument. Non, non, non, non. Vous vous trompez sur mon compte de la façon la plus pénible. Il est absolument nécessaire que vous me donniez ce Palaiso 14-19, oui. Oui, donnez-le-moi, mademoiselle. Donnez-moi ce Palaiso 14-19, oui. Palaiso 14-19, oui. 14, 2 fois 7, oui. 2 fois 7, 14. 2 fois 7, 14. Palaiso, Palaiso comme Palaiso. Palaiso 14-19. Alors, c'est toi qui demandais Palaiso 14-19. Tu vois? Mais tu pouvais pas me le dire au lieu de me regarder avec ta tête d'ahuri. Oh. C'est-à-dire que je peux pas l'avoir. Mais... j'y renonce. Quelle gourde tu fais. Non, non, non, j'y renonce, je te dis. Mais je vais te le demander, moi. Non, non, non, laisse non. Je te dis que je vais le demander. Non, non, mais je t'assure, j'en veux plus. Ah, c'est pas gentil de me faire des cachotteries. Non, non, mais je te fais pas de cachotteries, c'est pas ma petite amie. Quoi, 14-19? Oui, 14-19, c'est pas ma petite amie. Bon, c'est la pauvre petite. Oui, bien, justement. Allô? Oui, voilà. Je voudrais être ailleurs. Allô? Il va l'avoir tout de suite, il sera même pas engueulé. Allô? Dis donc, si on me demande à la part de qui? Bah, tant pis. Dis la vérité. Dis de la part de Clo-Clo. Bon, d'accord. Allô? Bon, écoute, on peut pas l'avoir, je te dis. Non, non, non, mais je t'assure. Je téléphonerai ce soir. Tu crois? Oui. Allô? Allô? Mademoiselle? Excusez-moi, mon beau-frère, qui est idiot, oui. Ne savait pas que je demandais Palaiso 14-19 tout à l'heure. Oui, il vous l'a refusé. Maintenant, je voudrais bien l'obtenir. Je vous remercie. Merci. Et heureusement, il ne sera pas libre. Il n'est jamais libre. Alors, je suis tranquille. Allô? Allô, Palaiso 14-19? Oui, bon, c'est de la part de Clo-Clo. Oh! Oh, oh, mon beau. Eh bien. Ah, oh, ça c'est drôle alors. C'est vraiment drôle. Ah oui, la pauvre. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Elle m'a dit, vous direz à Clo-Clo que j'en ai plein le dos de lui et de sa famille et que dans un quart d'heure, je serai parti pour le Brésil. Ah, et avec quelle voix elle m'a dit ça? J'ai cru que c'était un garde républicain. Et c'est... c'est tout ce qu'on t'a dit. Oui. Ah ben moi, ça n'a pas l'air de faire de la peine. Alors. Hein? Quoi? Non, non, là, là. Une de perdue, 10 de retrouvée. Oui, oui, oui, oui, on dit ah, ça. Alors ça, hein, je peux t'assurer que ouais. Je n'aurai pas de mal à la remplacer, celle-là. Oui, ouais. En tout cas, une chose me déplaît. N'en faisons pas un drame, mais... enfin, pourquoi lui as-tu présenté ta sœur? Moi? Oui. Mais jamais, oh là là. De Clo-Clo et de sa famille. Or, Marceline est ta seule famille. Ah oui, oui, oui, t'as raison, oui, oui, oui. Alors, une fois par hasard... Oh, pour qu'elle en ait plein le dos de Clo-Clo et de sa famille, il n'a pas fallu que ce soit une fois. Hein? Oh, bah peut-être, alors, oui. Plusieurs hasards. Surtout qu'elle a bien insisté, de Clo-Clo et de sa famille... Non, non, mais là, tu vois, c'est une idée que tu te fais. Oui, oui, pourquoi elle se déteste à ce point-là? Bah, tu sais, entre femmes... Oui, en tout cas, tu aurais pu lui épargner cette humiliation. Hein? C'était... Oh là là, c'est elle, hein? Je vais pas la voir, je passe par la cuisine. Ah, ah là là. C'est toi, mon petit doubet, d'où tu viens? Mais qu'est-ce que t'as? T'es fâché, c'est pas contre moi, j'espère. Mais qu'est-ce que t'as? Tu es pâle, tu n'es pas malade. Tu me laisses seul un moment, s'il te plaît. Ah ben non, tu es malade ou tu as du chagrin, je vais pas te laisser seul. C'est Clo-Clo, hein? Vous vous êtes encore disputé. Mais non. Mais si, mais il me l'a dit. Oh. Alors, s'il te l'a dit... Mais il t'adore, tu le sais bien. Il m'adore? Mais oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est peut-être pas grave, hein? Tu veux pas te confier? Hein? Tu me laisses seul un moment, s'il te plaît. Je voudrais être seule. Je ne veux que ça, je n'ai besoin que de ça! Non, ben écoute, ne t'énerve pas, hein? Je m'en vais, si tu... Je ne le verrai plus. Il est parti, je ne le verrai plus. Mais tu veux pas un cachet ou une tisane ou... Non, écoute, je sais bien que je t'énerve, mais te voir là avec du chagrin et ne rien faire pour te consoler, c'est au-dessus de mes forces. Alors je fais tout ce que tu veux, mais ne me demande pas de sortir. Et Lily? Mais qu'est-ce que t'as? Tu pleures? Mais Lily? Mais si tu pleures, mais qu'est-ce que t'as? Lily, mais tu pleures, je vois. Non, non, laisse-moi. Mais quoi? Non, mais je suis très nerveuse. Alors, la moindre des choses. Mais quelle chose? Oh, mais non, c'est, tu peux pas comprendre, c'est sans intérêt pour toi. Oh, ben dis donc, sans intérêt. C'est pas grave, je te dis, c'est pas grave, laisse-moi. Ah bon, ben non, mais fais pas ça, alors fais-moi un sourire, hein. Fais-moi un sourire. Un sourire, Albert. Allez, Kili Kili, allez, un sourire. Oh. Vous voulez pas? Allez, faites un petit sourire. Voilà. Voilà. Là. Ah. Mais je vais te raconter une histoire qui va bien le faire, d'ailleurs. Oh. Tiens, si, écoute. Alors raconte-la, puis après tu me laisseras seule. Tu vois, je suis raisonnable. Voilà. Bon, 5 minutes après ton départ, je surprends Clo-Clo au téléphone, suant, hurlant, pour obtenir Palaiseau 1419. Palaiseau 1419? Oui, c'est le numéro de téléphone de sa petite amie. Comme il n'y parvenait pas, je m'offre à l'obtenir à sa place, et tout d'un coup, une espèce de voix d'homme... Mais elle était là! Oui, tu as remarqué, hein? Elle a une voix d'homme, hein, t'as remarqué. Et sais-tu ce qu'elle me dit? Elle me dit, vous direz à Clo-Clo que j'en ai plein le dos de lui et de sa famille, et que dans un quart d'heure, je serai parti pour le Brésil. Pour le Brésil? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, l'opinion de cette femme-là, puisqu'elle part, que tu ne la reverras plus jamais? Plus jamais! Ah non, ou alors faudrait vraiment un hasard extraordinaire? Oh ben écoute, alors je ne sais que te dire, chaque chose dont je te parle ne fait qu'augmenter ta peine. Alors tu as raison, je vais m'en aller. Oh non, non. Mais si, je m'en vais. J'ai du chagrin. Ben mon pauvre chéri. J'ai mal. Ben oui, mais comment veux-tu que je te console? Je ne sais pas ce que tu as. Je croyais te raconter une histoire drôle et voilà que tu te mets à pleurer parce qu'une méchante pimbèche part pour le Brésil. Oh mais ne dis plus rien, Jacques, ne dis plus rien. Mais comme t'es nerveuse, écoute, tu veux que j'appelle un médecin? Non, les médecins ne peuvent rien pour moi. Mais qu'est-ce que tu as? Je t'assure qu'il n'est pas naturel que tu te mettes dans des états pour des sottises pareilles. Tu dois être plus malade que tu ne crois. Quelle heure est-il, Jacques? 10h05. 10h05? Oh! Oh, mais j'avance peut-être de quelques minutes. Oh, mais je sais pas quoi te dire, alors j'ai tort de répondre à tes questions. Même pour te dire l'heure, je te fais du mal. Je retarde peut-être. Je sais pas, j'aurais dû te dire... Mais je sais pas ce que j'aurais dû te dire, alors. Ton vieux Jeff. Ben oui, ton vieux Jeff. Qui voudrait tant faire quelque chose pour toi? Hélas! Ben, je suis ton ami, tu le sais bien, ton copain. Oui, c'est vrai. Alors, personne ne peut te comprendre mieux que moi. Hein? Souvent, tu l'as remarqué, je commence une phrase que tu allais dire, ou bien nous la disons ensemble. Hein? Oui. Je suis tellement ton ami que moi, j'ai renoncé à tous mes copains, je te raconte toutes mes histoires, toutes mes affaires. Puis on s'amuse tellement bien tous les deux que si tu avais des ennuis, ce ne serait vraiment pas chic de me les cacher. Hein? Si j'en avais, je n'hésiterais pas, moi. Alors raconte. Eh bien, tu connais Gaston? Gaston Lancelot. Ah oui, oui, oui, c'est le petit blond qui t'a fait danser une fois, oui, oui. Ouais. Eh bien... Eh bien, figure... Ben, qu'est-ce que je fais, moi? Je suis folle, moi. Mais raconte, tu avais si bien commencé. Mais non, non! Eh bien, Lancelot... Non, je n'ai rien dit, je peux rien te dire. Personne ne peut te comprendre mieux que moi. N'insiste pas. Mais d'abord, je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir entre toi et Lancelot, tu le connais à peine. Mais aussi, c'est pas avec moi. Ah, bon, ben alors, ben qu'est-ce que c'est? Ben, puisque tu tiens absolument à le savoir. Oui. Lancelot a quitté une de mes amies, elle, ce soir, elle voulait se tuer. Oh, et c'est pour aller la voir que tu es sortie? Oui. Oh, qui est-ce? Je peux pas te le dire. C'est une femme mariée. Oh, je parie que c'est ce pauvre Ganneron. Mais non. Ah, ben tant mieux. Et elle voulait se tuer? Oui. Oh. Tu savais comme elle l'aimait, cet homme. C'était toute sa vie. Lui parti, que va-t-elle devenir maintenant? Oh là là. Pourquoi ricanes-tu? Non, je ne ricane pas, mais... Ton amie t'a dit qu'elle voulait se tuer, et toi, avec ton bon cœur, tu l'as déjà vue morte. Oh, mais je t'assure! Non, je ne voudrais pas manquer de tact, ni te rappeler des choses qui... Enfin, pardonne-moi, mais... Souviens-toi, quand Richard t'a quitté, hein? Toi aussi, tu as eu du chagrin, toi aussi, tu as voulu mourir. Toi aussi, tu étais désespéré. Et maintenant, hein? Est-ce que tu penses encore à lui? Ah! Je m'étonne que tu n'aies pas pensé à citer ton exemple à ton ami. C'est vrai. Pourtant, tu as terriblement souffert à ce moment-là. Et aujourd'hui, est-ce que ça t'empêche d'être heureuse? Non. Vois-tu, les femmes devraient compter avec leur inconstance. Ah oui. Oui. Mais d'ailleurs, je vois pas le rapport qu'il y a entre Lancelot et l'ami de Clo-Clo. Oh, mais aucun, aucun, naturellement aucun. Mais tu sais, tout m'exaspère aujourd'hui, alors j'ai très mal pris la réponse de cette petite, mais... Oh. Attends, c'est fini. Ah. Je vais beaucoup mieux. Bah, je suis bien content. Oh. Alors... Dis donc. C'est drôle ce que tu m'as dit tout à l'heure. Richard. Oui, tu m'en veux pas de t'avoir rappelé ces mauvaises minutes, hein. Qu'est-ce qu'il est devenu, Richard? Je sais pas, on m'a dit qu'il était parti pour le Brésil tout de suite après notre mariage. Ah, pour le Brésil, lui aussi? Oui, lui aussi, tiens, comme l'ami de Clo-Clo, tiens. T'es un drôle de type. Ah? Mais oui, j'ai parfois l'impression de ne pas te comprendre du tout. Oh. Aujourd'hui, tiens. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On ne prend pas les rembarras, c'est aujourd'hui. Tu m'as dit des choses extraordinaires. Moi? Oui, toi. Vraiment? Extraordinaire. Regarde-moi. Oh non, c'est pas ton air de chien battu que je veux, c'est l'air que tu devrais avoir après les choses extraordinaires que tu m'as dites. Mais je t'ai rien dit d'extraordinaire. Ah si. Quand? Oh, écoute, ne joue pas au plus fin avec moi, hein. J'ai très bien compris l'allusion à Richard, c'est... Oh, c'était très fort. Puis j'ai compris aussi, comme l'ami de Clo-Clo. Mais qu'as-tu compris? Il n'y avait rien à comprendre. Ah? Tant pis. Mais t'as l'air déçu. Mais c'est que je te comprends pas du tout. Tu es tellement maladroit. Es-tu un type épatant? Es-tu un imbécile? Je suis un type épatant qui t'aime comme un imbécile. Et toi, tu m'aimes? Ah, je suis assez bête pour ça. Merci. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans comme l'ami de Clo-Clo. Richard est parti pour le Brésil, l'ami de Clo-Clo aussi. Alors, je dis comme l'ami de Clo-Clo. Oh, mais quoi. Oui, mais oui. Ah, mais non, mais c'est pas difficile d'être extraordinaire avec toi. Je dis comme l'ami de Clo-Clo, bah oui, comme l'ami de Clo-Clo. Oh, bah, c'est bon, c'est bon. Ah non, mais quand je dis quelque chose de... Bien, tu ne le remarques pas. Je te dis, je suis un type épatant qui t'aime comme un imbécile, tu n'as pas sourcillé. Et je dis, comme l'ami de Clo-Clo, tu me trouves extraordinaire. Ah, c'est un peu fort tout de même. Remarque, comme l'ami de Clo-Clo, c'est assez drôle. Oui, peut-être que le fait d'associer Richard et l'ami de Clo-Clo ait pu te paraître amusant. Mais quand même, hein, faut pas exagérer. Ah, tu réponds pas, là. Hein? Mais dis, mais tu dors? Mais oui, mais elle dort, ma parole. Mais oui, elle dort. Comme elle est belle. Comme tu es belle. Mon amour. Mon amour, mon amour. Toi, elle a l'air de souffrir. Elle a presque toujours l'air de souffrir quand elle dort. Dans la journée, elle rit avec nous, elle est gaie, elle est joyeuse. Et la nuit, ce n'est plus la même. Quel rêve fait-elle donc? Le matin, quand je lui demande, elle est incapable de s'en souvenir. Oui, elle dort vraiment. Alors, à nous deux. ma petite. Je vais te faire quelques petits reproches. D'abord, pourquoi me trouves-tu extraordinaire à tort et à travers, hein? Et ça, c'est une question à laquelle tu serais bien incapable de me répondre, hein? Naturellement. Alors, voyons les autres. Procédons par ordre, hein? Oh, que de reproches. Ah ben oui, parce qu'il y a ceux d'hier. Hier, excuse-moi, mais je me suis endormi avant toi. Clo-Clo t'avait tellement énervé avec son coup de téléphone, alors. Alors, voyons. Pourquoi prends-tu toujours le parti de la bonne contre moi? Oui. C'est drôle, ça. Avant-hier, je lui ordonne je sais plus quoi. Elle me répond, je vais d'abord demander à madame, parce que je connais monsieur. Si madame n'est pas de son avis, monsieur me reprochera d'avoir fait ce qu'il voulait. Alors, je te raconte ça. Au lieu de te fâcher, tu ris avec elle. Hein? C'est pas gentil. Hein? Alors, pourquoi changes-tu toujours mon fauteuil de place? Oui, ça fait 2 mois que je te dis que je veux qu'il soit à gauche de la cheminée. Et 2 mois que systématiquement, tous les matins, je me trouve à droite. Un jour, je vais me fâcher, hein? Je dis me fâcher. C'est une façon de parler, hein? Enfin. Qu'est-ce que j'ai écrit, là? Mes baisers ne t'étonnent plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui! Mes baisers ne t'étonnent plus. Mes baisers ne t'étonnent plus, oui. Je veux dire que... Bah, tu les acceptes comme ça, négligemment. Les gens qui s'aiment attachent plus d'importance aux baisers qu'ils échangent. Pour toi, on dirait que c'est une simple formalité. Aussitôt passé, tu les oublies. Dis, c'est pas gentil. Hein? Là... Pourquoi changes-tu toujours mon feu? Oui, ça c'est ce matin, parce que tu l'as encore remis à droite de la cheminée. Hein. Là, pourquoi sors-tu sans me prévenir? C'est drôle, cette manie que tu as. Hein. Je te laisse là. Je me dis que nous allons passer une soirée ensemble, bien tranquille. Tout d'un coup, une mouche te pique, tu t'en vas sans t'excuser, ni avant ni après. C'est pas gentil. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Et maintenant que je t'ai fait tous les reproches que tu mérites, je peux bien te dire que malgré tout ça, je t'adore, mon amour. C'est qu'en effet, tu n'es pas seulement adorablement jolie, mais tu sais l'être pour moi de la meilleure façon. Hein? Avec les autres, tu t'efforces de paraître... Tu souris trop, tu as trop de mélancolie suivant ton interlocuteur. Avec moi, tu es naturel. Tu ne te fais pas de frais. Alors j'ai la meilleure part. Avec les autres, tu t'efforces d'être brillante, spirituelle. Ils n'ont de toi qu'un être factice que je ne reconnais pas. Avec moi, tu es naturel. Tu ne fais pas de frais. J'ai la meilleure part. C'est pour ta simplicité que je t'aime. Pour ton insouciance aussi. Pour ta méchanceté inconsciente. Pour tes gentillesses inattendues. Je t'aime parce que... tu es la droiture même. Tu es complètement idiote, c'est bien entendu. Oui. Tu te rends compte de ce que tu fais, stupide? Non. Bon. Mais si je te prouvais que c'est stupide, tu ne le ferais pas. Si. Tu es décidé? Oui. Tu ne regretteras rien? Non. Tu as patienté 5 ans, tu pourras peut-être attendre 24 heures. Impossible. Il va beaucoup souffrir. Je serai heureuse. T'as pas un peu pitié de lui? Oh, si, si, si. Ben alors? J'aime l'autre. Ben bravo, quelle importance! Mais je l'aime, tu sais pas ce que c'est. Oh, écoute, hein, c'est pas la première fois que tu aimes. Si. Ah, c'est le... C'est le grand amour, vraiment. Oui. Ben écoute, aime-le, mais ne quitte pas Jeff. Mais Alexandre n'admet pas le partage. Oh, quel compliqué. Il ne veut pas cacher notre amour, il veut que nous nous aimions au grand jour. Oh, quelle gourde. N'insiste pas. Et tu es sûr que ça vaut toute la peine que tu vas faire à Jeff? Absolument sûr. Mais réfléchis. C'est Alexandre, tu ne pourras pas le tromper facilement. Tu penses, avec son amour au grand jour. Mais j'ai bien réfléchi. Oh, c'est un malin, il ne croira pas tes histoires. Je lui mentirai pas. Oui, mais quand tu ne l'aimeras plus. Avec Jeff, tu lui racontais ce que tu voulais, il croyait tout. Il avait tellement confiance. J'ai peur qu'il soit habitué à cette tranquillité. J'y pense pas. Eh bien, pense-y. Avec Alexandre, il faudra que tu aies des amis pour que tu puisses aller les voir. Je l'aime tellement. J'en aurais peut-être. Ne pars pas, Adi. Si. Ne pars pas, Adi, ne pars pas. Si. Mais enfin, bon Dieu! Jeff t'a tout de même épousé! Mais tu crois que ça, je serais resté près de lui 5 ans? Tu l'as même aimé! Je m'en souviens parfaitement. Oui, c'est vrai. Au début de notre mariage, oui. Je ne te le fais pas dire. Que veux-tu? C'est fini. Et je pars. Ah, c'est ainsi. Eh ben moi, je vais! Oh, je vais. Ne cherche pas! Il n'y a rien à faire. Tu me dégoûtes. Si tu savais comme tu me dégoûtes... Tant pis. J'ai envie de te flanquer une gifle. Essaie donc! Ah, si Jeff t'avait giflé seulement une fois, une pauvre petite fois, nous n'en serions pas où nous en sommes. Ben oui, mais seulement voilà, il m'a pas giflé. Écoute, Marceline, mon petit, j'arrangerai tout. Tu verras ton Alexandre tous les jours. Mais ne pars pas. Si. Alors c'est vrai? Tu ne veux pas rester? Non. Une fois, deux fois, trois fois? Non. En tout cas, j'aime mieux te prévenir tout de suite. Avec Alexandre, ne compte pas sur moi. Ah, mais j'aurais pas besoin de toi. Allez, allez, allez, je parle pour après. Après quoi? Pour après ton amour. Oh! J'irai même plus loin. Si tu romps avec Jeff, tu romps avec moi. Ah, mais... C'est du chantage? Je ne sais pas, mais je vais seulement te faire comprendre où est ton intérêt. Mais je me fiche bien de mes intérêts. Je n'ai pas dit tes intérêts! J'ai dit ton intérêt! Oh, mais tu me fatigues. Hein? Alors ça va recommencer. Hein? Tu en as déjà assez d'être une femme honorable, d'avoir une situation ainsi, une famille, quoi, un foyer. Quoi? Ça va recommencer, dis! Les meublés, la poste restante, les fins de mois qui durent 3 semaines, dis! Mais pas du tout! Alexandre est très riche! Bien plus riche que Jeff! Ah? Est très généreux! Il a même pensé à toi. Ah? Il m'a prié de te remettre ce petit souvenir. D'abord, c'est pas un souvenir. On se donne des souvenirs quand on se quitte. Et maintenant, nous allons nous voir tous les jours. Prends-le tout de même! Ah, il a pensé à tout. Eh bien, tu diras à ce petit monsieur que je ne mange pas de ce pain-là. Oh. Il te connaît, il ne croira pas. Bon, ben alors dis-lui que... j'en mange plus. Ça, c'est une ouïe surprise? Carrément. Mais pourquoi? Parce que Jeff est mon ami. Et alors? Que tu n'as aucune espèce de sens moral. Excuse-moi. C'est un imbécile, c'est entendu. Il est prétentieux, il se croit toujours plus malin que les autres, mais... C'est un chitique. Qu'est-ce que tu veux? Naturellement, tu ne le connais pas, tu ne le vois presque jamais. Mais si tu savais comme il est bon, il en est bête. Tout le monde le roule. Moi, le premier. Maintenant, ça me dégoûte. Et quand je vois que nous allons le quitter, je trouve ça tellement infect. J'en suis pas. Tant pis. Que veux-tu, il fallait pas me laisser 5 ans avec lui. Ah, oui, oui, oui. Bon, alors. Faites ce que vous voudrez, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, mais moi je ne vais pas voir ça. Où vas-tu? Je m'en vais. Je suis pas curieux, mais je voulais savoir de combien était le machin, là, le souvenir. Quel mufle. Au revoir, Marceline. Mais tu as tort. Tu seras pas heureuse avec ce type-là. Tu veux bien me rendre un dernier service? À propos de Jeff? Oui. Mais non, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Je ne veux pas voir ça, je m'en vais. Ah, mais non, mais pas du tout. C'est toi qui vas le lui dire. Qui va lui dire quoi? Que je le quitte, que je m'en vais. Non, mais tu te fous de moi? Pas du tout. Tu crois que je vais aller lui dire ça? Mais fais tes commissions toi-même. Oh, mais tu as de l'amitié pour lui, n'est-ce pas? Alors, il faut que tu lui dises, que tu lui expliques. Si c'est toi, il aura moins de chagrin. Tu crois? Oui, tu lui diras du mal de moi. Tu lui diras aussi la vérité. Tu lui raconteras tout. Ah, pas tout. Mais si, tout, pour qu'il n'ait pas de regrets. Oh, non, pas tout. Mais si, tout. Alors, pas aujourd'hui. Laisse-moi le préparer, l'amener tout doucement. Mais je pars ce soir. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas en forme. Ah. J'aurai pas de bons arguments aujourd'hui. Et puis alors, lui dire ça sans faire de phrase... Débrouille-toi! Non, mais dis donc, tu n'as pas de cœur! Pourquoi? Il s'agit pas de se débrouiller! Il s'agit de briser la vie d'un type en essayant de lui faire croire que ça n'a pas d'importance! Mais je brise pas sa vie, après moi, une autre! Bon, alors, applique ce raisonnement, Alexandre! Oh, mais tu comprends rien! Non, je comprends trop bien, au contraire. Bon, alors, tu préfères que je le prévienne par lettre? Oh, non, oh! Pauvre vieux! Alors? Bah, va le chercher. Que veux-tu? Je vais lui dire que tu veux lui parler. Et puis j'attendrai là. Si tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à ouvrir la porte. Ah, tu es calme, toi. Tu es calme. Tu sais ce que tu me dégoûtes. Jeff! Jeff! Oui? Jeff! Mon cher Jeff. Mon cher Jeff. Mon cher Jeff. Avant que tu veux me parler, imbécile. Oui, Jeff. Ah, bah tant mieux. Je m'embêtais en bas, une commande interminable. Quand ta sœur m'a dit que tu voulais me parler, j'ai dit au moins avec lui, je vais rigoler. Hein? Ah. Tu as vu la dernière photo de Marceline? Elle est belle, hein? Oui. Hein? Je vais la mettre là, comme ça, elle sera partout dans la maison. Non, laisse donc ça. J'ai à te parler sérieusement. Ah ben, je t'écoute. Eh ben voilà. Mon cher Jeff! Alors, combien tu veux? C'est ça, t'as besoin d'un peu d'argent? Oh non, oh là là, ne crois pas ça, non. Ah ben, la bonne heure, ça marche la musique alors! Pas très bien. Ah. Et même si. Non mais. Parlons d'autre chose. Oui, si tu veux, oui. Mon cher Jeff! Non mais je peux très bien te prêter 1000 francs, hein. J'ai fait une bonne affaire ce matin. Non, tu me gênes, beaucoup! Oh, ça commence mal. Good. Ne te gêne pas avec moi, hein? Non, je sais. Ben, si je te le propose, c'est que je peux. Mais ne parle pas tout le temps de ça! Oh, ça va pas du tout. Non, mais depuis quelque temps, je te trouve d'une discrétion, ce n'est pas naturel. Mais si, voyons. Il est très naturel que toujours t'emprunter de l'argent, il me soit venu des scrupules. Oh! N'emploie pas de mots dont tu ne connais pas le sens. Ah, on ne sait pas ce qu'il m'en coûte parfois. À toi aussi. On dit que je suis un feignant. On n'a pas tort. Mais si on savait ce que je la paie, ma paresse. Les soirs de rupture, tiens. Quoi? Tu peux pas t'imaginer. Quoi? Laisse-moi parler. Oui? Quand c'est lui qui rompt, passe encore. Elle pleure un peu, je me tombe pas au téléphone, je galope toute la nuit. C'était un temps, mais pas tragique. Je sais bien qu'au bout de 15 jours, elle n'y pensera plus. Je comprends rien à ce que tu dis. Mais quand c'est elle qui s'en va, voir leur pauvre gueule, ah nom de Dieu. Et pourquoi tu me dis ça? Voir ta pauvre gueule à toi tout à l'heure. Mais dis donc, mais explique-toi. Ah, je m'étais habitué à toi. 5 ans, ça compte. Hein? T'es vraiment un chic type. Je parle pas des 1000 francs parce que... Je ne les prendrai pas. Mais pourquoi? Raison de famille. Ah, alors. Mais t'avais une façon de me dire. Voilà l'imbécile. C'était charmant. Tu ne diras plus voilà l'imbécile. Oh, par exemple, bah si alors. Non, mon pauvre vieux. Tu ne diras plus voilà l'imbécile. Pourquoi tu t'en vas? Mais c'est pas moi qui m'en vais. Mais j'ai besoin de personne d'autre que toi pour dire voilà l'imbécile. Si. Je comprends rien ce que tu dis ce matin. Et je vois bien que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je ne comprends pas un mot. Bon, je vois bien que si je continue à te parler de moi, tu ne comprendras rien du tout. Ah, rien du tout. Je ferais mieux de te dire tout, carrément. Ah, c'est drôle tout de même. Toi qui es incapable de prendre une décision ni de dire les choses d'une façon claire, tu n'as qu'un mot à la bouche, c'est carrément. Hein. D'abord, je dois te prévenir. C'est une mauvaise nouvelle. Ah. Une très mauvaise nouvelle. Alors, dis vite. C'est pas facile. Ben, parle, parle. Je voudrais te faire comprendre. Mais parle donc. As-tu inventé ta fleur? Non. Alors ne cherche plus. C'est plus la peine. Pourquoi? Marceline a... Marceline s'en va. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Marceline s'en va. Marceline te quitte. Marceline part avec un autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de la rencontrer dans l'escalier, elle riait, elle me dit « Monte, Clo-Clo a quelque chose à te dire. » C'était ça. Mais c'est une blague idiote! J'ai pas de tact, mais je te ferai pas une blague pareille! Toi peut-être, mais elle oui. J'ai fait l'impossible pour la convaincre de rester! Écoute, de quoi te mêles-tu? Si c'était vrai, crois-tu que je serais content de ne devoir Marceline qu'à tes conseils? Si elle veut partir, qu'elle parte, je ne ferai pas un geste pour la retenir. Bravo! Ouais. Oh, je suis content de voir comme tu prends bien la chose! Marceline avait raison! Après elle et l'autre! Hein? Oh là là, mais tu as raison, oh là là! Oh là là, pourquoi est-ce qu'il y a du chagrin pour les femmes une de perdue, 10 de retrouvée? Après elle et l'autre, quoi. Tu connais le proverbe arabe? Si tu perds ton cheval, pleure et va à pied. Si tu perds ton âme, achète-en un autre. Et si tu perds ta femme, achète un âne ou un cheval. Non, ça, après elle une autre. Eh ben, mon vieux Jeff, achète un âne ou un cheval. Mais quoi, ce serait vrai, elle partirait. Mais tu le prends très bien, c'est entendu. Mais quoi, elle partirait. Oui, mais écoute, tu l'as dit tout à l'heure. Qu'elle parte, je ne ferai pas un geste. Mais quoi, c'est vrai, elle, quoi, c'est pour ça que t'as refusé les 1000 francs, elle mais... part. Mais non. Mais c'est impossible, enfin, quoi. Non, c'est pas possible. Quoi. Mais t'énerves pas, voyons, elle part. Ah, ben, qu'elle part. Mais non, mais elle ne part pas. Si, elle part. Mais elle va pas te faire des idées, elle part. Tu n'as pas ça à le regretter. Bon, elle part. Mais ma soeur est infecte, elle est infecte, ma soeur. Tu te souviens de ce que disait Richard? L'atmosphère louche, les petits mensonges de tous les jours, la poste restante, les histoires de bonnes, et ben tout ça, c'est vrai! Non. Elle ment comme elle respire. Si tu savais comme elle t'a menti... Menteur! Oui! J'étais un menteur! Quand je te mentais pour elle, avec elle. C'est vrai ce qu'il dit, Marceline? Ne la regrette pas, ce serait trop bête, ne la regrette pas! Si tu savais tout ce qu'elle t'a fait, tout ce que Richard disait était vrai, entends-tu tout? Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre vieux? Elle me ressemble. Quoi? Elle te ressemble? Elle me ressemble, mon pauvre vieux. Non, non. Oh là là, oh, tu peux discuter, hein? Tu dis qu'elle ment. Oh là là! Mais est-ce que... Clo-Clo, est-ce que... Est-ce qu'elle me trompe? Ben... Non, je ne parle pas de celui-là. Si elle parle, elle ne me trompe pas. Je veux dire, est-ce qu'elle m'a trompé? Tu veux savoir? Oui. Tu y tiens beaucoup? Oui. Crois-tu que cela te détacherait d'elle? Oui. Alors oui. Elle va à la poste restante, par exemple? Non, non. C'est la bonne. Ah, mais la bonne, c'est vrai! La bonne, je l'avais oublié, celle-là. À cause de la bonne, je vais devoir tout croire, maintenant. Tu peux. Oui, en somme, elle ne m'a jamais aimé, quoi. Oh, je n'irai pas jusque-là. Ah, mais c'est encore heureux. À un moment donné, elle t'a même beaucoup aimé, c'est certain. Tu es bien bon d'en convenir. Elle t'avait trouvé très gentil, très épatant. Je crois que tu aurais pu la garder. Malheureusement, tu l'aimais trop. Je l'aimais trop. Mais oui, mon vieux! Elle est infecte, ma sœur, infecte. Voilà, je peux pas te l'expliquer. Si je te disais ce que tu aurais dû faire, tu n'en reviendrais pas. Alors ne me le dis pas, je n'aurais pas pu, j'en suis sûr. Bon, je sais ce qu'elle attendait de toi. Parce qu'elle me ressemble, comprends-tu? Et donc c'est toi qui viens me dire tout ça? Toi qui lui dois tout? Toi pour qui elle a toujours été si gentille? Pardon? Ah non, ça suffit maintenant, hein? J'ai voulu voir jusqu'où tu irais, mais mes prévisions sont dépassées. Je savais que tu n'avais pas beaucoup de scrupules, ni de noblesse dans le caractère, mais alors à ce point-là... Non, mais dis donc! Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hein? Que serais-tu sans elle? Si elle ne t'imposait pas partout à force de sourire, tu as pensé à ça? Mais laisse-moi parler! Elle t'a refusé de l'argent, elle t'a interdit de m'en demander? Mais c'est elle qui m'a dit de te prévenir! Après, t'en es que par moi, tu aurais moins de chagrin. C'est elle qui... Oui, c'est elle aussi qui m'a dit de te dire tout sur son caractère, sur ses trahisons et sur ses mensonges. C'est pas possible. Ah non? Non. Eh bien, elle est derrière cette porte. Elle attend le résultat de notre conversation. Tout ce que je t'ai dit, elle le répète tard, entends-tu? Mais puisque tu ne me crois pas, ouvre la porte! Si elle est là, c'est qu'elle part! C'est qu'elle t'a trompé! C'est que j'ai dit vrai! Mais ouvre la porte! Marceline, ah, hein, tu vois que tu mentais, hein? Ben dis-lui, toi. Dis-lui. Fais tes commissions toi-même. Il veut pas me croire. Il veut pas me croire, comprends-tu? Et tu vas quitter cet homme-là. C'est vrai, Jeff, je pars. Définitivement? Définitivement, oui. Mais pourquoi? Mais c'est-à-dire non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bon, d'accord. Pourquoi? Ne m'oblige pas à te le dire, Jeff. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, il y a un malentendu. Mais quel malentendu peut-il y avoir? Je m'en vais. Non, mais explique-toi, que veux-tu? À quoi rime cette petite comédie, là? Mais je ne veux rien que partir, et c'est pas une comédie. Mais vraiment? Mais alors, où est ta malle? Où sont tes valises? Tu pars sans rien? Sans rien. Ah, mais comme c'est vraisemblable. Mais il faut me croire, Jeff, je vais partir. Non, mais ton histoire ne tient pas debout. Si tu voulais partir, pourquoi serais-tu resté derrière la porte? Alors, pendant que Clo-Clo me prévenait, fallait en profiter pour t'en aller. Non, j'ai estimé que je te devais une dernière entrevue. Et tu n'as pas eu peur que je t'attendrisse? Non. Mais si je te croyais, mais je sangloterais, je me roulerais à tes pieds, je me vois ici. Ce serait insoutenable, n'est-ce pas, Coco? Voyons, enfin, insoutenable. Enfin, tu es extraordinaire, chef. Bon, écoute, dis-moi ce que tu veux. Tu as envie d'une nouvelle voiture, d'une autre bague. Tu n'as pas besoin d'employer des procédés pareils. Alors dis-moi ce que tu veux et finissons-en une fois pour toutes avec cette blague sinistre. Alors tu ne me crois pas? Non. Et si tu ne m'envoies pas au dîner ce soir, tu ne me croiras pas encore? Non. Demain. Oh, demain peut-être, oui, demain. Oh, demain, mère. Mais pourquoi ne veux-tu pas te faire à cette idée tout de suite? Parce qu'on ne quitte pas son mari comme ça pour un oui ou pour un non. Mais cher, bon, d'accord. T'as quelque chose à me reprocher? Mais là n'est pas la question. Mais elle n'est que là, au contraire. Ne me pousse pas à bout, Jeff, tu veux que je te dise pourquoi je pars? Oui. Attention, Jeff, je vais te faire beaucoup de peine. J'attends. Eh bien, je te quitte parce que j'aime un autre homme. Parce que je l'aime depuis 6 mois, que je ne peux plus vivre sans lui. Allons. Bon. Quoi? Enfin, attendez, qu'est-ce que c'est? Ce que tu dis est idiot. Comment peux-tu aimer un autre homme? Nous ne nous quittons pratiquement jamais. C'est l'impression que je t'ai donnée, mais je le voyais au moins 2 heures par jour. 2 heures par jour, c'est tordant. Grâce à lui. Oui, bon, ben, toi, tais-toi. Une simple question. Quand as-tu décidé de partir? Jeudi. Ah, jeudi, là, tu vois, tu tombes mal. Tu es resté toute la journée avec moi. Pas toute la journée. Toute la journée. Je suis allée chez le coiffeur. Oh. Rappelle-toi. 1 heure. Et vous avez décidé ça en 1 heure? Mais oui, j'ai... Mais quel gosse, quelle folie. C'était une folie, mais je vais la faire. Elle va la faire. Mais non, je ne crois pas que tu veuilles partir ni à ton histoire de coiffeur, ni à ce petit jeune homme. Oh, d'abord, comment tu sais que c'est un petit jeune homme? Je te donne tout le reste. Tu n'as pu lui demander que ce que je ne pouvais pas t'offrir. Mais si je te faisais voir des lettres? Oh, des lettres. Oh, ça, il a raison, les lettres. Hein. Des photos. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux me rendre jalouse? Tu penses que je ne t'aime pas assez? Je te l'ai dit, rien à faire. Tu es furieuse de voir que j'ai confiance en toi? Mais puisque je te dis que je pars. Ce que tu fais est très fort. Ça, je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais c'est très fort. C'est un excellent moyen de se faire apprécier à sa vraie valeur. Mais pauvre imbécile! Ah, tu vois, là, tu viens d'exagérer. Parce qu'une femme qui quitterait vraiment son mari ne lui dirait jamais une chose pareille. Pardon pour ce mot-là, mais c'est quoi? Si tu me rends folle! Mais je ne veux pas croire à mon malheur! C'est bien naturel! Mais tu me mets dans une situation très très difficile, Jeff. C'est déjà pas drôle d'avoir à dire à un homme qui a toujours été très bon qu'on en aime un autre. Je te l'ai dit, tu ne me crois pas! Non? Je croyais avoir quelque expérience des hommes, mais il paraît que non. Quand je t'ai dit j'aime quelqu'un d'autre, tu n'as pas bondi! Tout ton caractère est là-dedans, tu te dis elle-même, puisqu'elle est toujours près de moi. Mais naturellement. Oh, mais c'est pas si facile d'être aimé, Jeff. L'amour, vois-tu, l'amour, bon, c'est... attends, ta sœur s'énerve, va-t'en, s'il te plaît. Oui. Tu sais ce que je t'ai dit? Puisque tu quittes Jeff, tout est fini entre nous. Je vais travailler. Bon courage. Alors toi, n'aie pas de chagrin. Ne me garde pas rancune de ce que j'ai dû te dire. Je t'aime bien. Bon, tu vois, je voudrais être seul avec ta sœur. Oui, oui, oui. Laisse-moi tout de même te remercier de l'avoir épousée. Pour la famille. Puis alors aussi, parce que ce qu'elle fera maintenant aura moins d'importance. Ça sera une divorcée. Une divorcée? Merci pour tout. Pour tout. Bon, va-t'en, s'il te plaît, je voudrais lui parler maintenant. Oui, oui. Alors, adieu, hein. Adieu. Imbécile. Tu disais donc? Moi? Oui. À propos de l'amour, qu'est-ce que tu disais? Je te demande pardon, Jeff. J'étais très méchante avec toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas, je le comprends bien, va. Ayons des adieux gentils. Tu as toujours été très bon, je te remercie. Tu ne mérites pas le mal que je te fais, ça c'est incontestable. Non, mais à propos de l'amour, qu'est-ce que tu voulais dire? Oh, à quoi bon, Jeff? Tu pourrais pas comprendre. Dis donc, moi aussi je sais aimer. Mon pauvre Jeff. Quoi? Alors tu crois que l'amour, c'est cette petite chose tranquille? Quelle chose tranquille? Alors tu crois qu'on est heureux, qu'on n'a qu'à se laisser aller? Mais si c'était ça l'amour, je t'aurais aimé, je te le jure. Mais ne t'énerve pas. Mais l'amour, vas-tu l'amour? C'est être toujours inquiet de l'autre, c'est se dire où est-il? Que fait-il? Pourquoi m'a-t-il dit ce mot-là sur ce temps-là? Pourquoi était-il en retard à notre rendez-vous? Mais non, c'est de la jalousie, ça. Mais l'amour, Jeff, l'amour, c'est se dire, mon Dieu, que va-t-il penser de cette robe-là? Pourvu qu'il ne soit pas fâché de cette réflexion que j'ai faite. Mais c'est ton amour à toi, ça, Marceline, ton tout petit amour. Oh non, mais l'amour, Jeff, l'amour! Ah bon, tu veux me donner un cours? D'accord, vas-y, allez, allez, allez. Je te demande pardon, Jeff, mais je pourrais, parce que tu sais pas ce que c'est. Ah, vraiment? Bon. Oh, tu dis que tu m'aimes, tiens. Tu n'as même jamais eu envie de me faire du mal. Ah non, ça, jamais. Excuse-moi. Je suis sûre que tu penses que si maintenant j'étais malade, j'aurais personne pour me soigner. Mais oui. Qui te soignerait? Eh bien, je t'en veux de penser ça. Je t'en veux de ne pas penser, puisque tu me quittes, tu peux mourir. Oh. Je t'en veux de ne pas avoir cru plus vite à mon départ. Je t'en veux de ne pas me haïr. Mais t'es complètement folle. Je veux te laisser des regrets. Alors, il y a des choses qu'il faut que je t'explique. Je ne suis pas du tout la femme que tu crois et que tu aimes, Jeff. Heureusement d'ailleurs, parce que cette femme-là, tu serais capable de l'oublier. Alors, il faut que je t'explique la femme que je suis réellement. Mais qu'en sais-tu toi-même? Oh, je ne veux pas être pour toi cette espèce de souvenir fade. Non, mais alors... tu auras tout le temps de me faire changer d'avis puisque tu restes. Oh, mais tu en es encore là! Mais pourquoi t'aurais-je dit tout ce que je t'ai dit? Quelle explication donnerais-tu à ma conduite? Ah, mais aucune. Avec les femmes, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais enfin, pourquoi ne crois-tu pas que je vais te quitter? Mais à cause de mon amour, naturellement. Quoi? Mais oui, tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours. C'est la seule raison. Mais la seule? Et elle me suffit? Elle te suffit. Écoute, Lily, je vais te raconter une histoire. Oh, mais c'est pas le moment. Si, au contraire. Écoute, il était une fois un curé. Je la connais. Non, tu ne la connais pas. Je viens de l'inventer. Puis d'abord, c'est drôle, à chaque fois que je te dis je vais te raconter une histoire, tu me dis je la connais. C'est énervant à la fin. Pardon. D'abord, j'aurais pas dû commencer comme ça. J'aurais dû dire il était une fois un prêtre. Oui, c'est ça. Oui, il était une fois un prêtre. Très bon, très simple et très heureux. Parce qu'il avait la foi. Alors, un matin, pour une raison ou pour une autre, il la perdit. Dès lors, pour ne pas mentir à ses fidèles, il tenta de la retrouver sans approfondir les choses. Et il allait se répétant, « Je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. » Eh bien, sa confiance fut récompensée. Un matin, il se réveilla en y croyant. Et alors? C'est tout. Drôle d'histoire. Ouais. Mais moi aussi, Lily. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Pourquoi? M'as-tu raconté cette histoire, Jeff? Si tu parles vraiment, pourquoi t'attacher à si peu de choses, hein? Qu'est-ce qu'elle signifie, Jeff? J'en sais rien. C'est toi le curé? Je n'en sais rien. Et maintenant que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, tu peux t'en aller. Adieu. Oui, oui. Alors sois heureuse avec ton petit jeune homme, mais tu me regretteras. Mais dis-tu pas me laisser partir sur cette histoire idiote? Oui. Tu m'embrasses pas? Non. Aussi, dis, je... Embrasse-moi. Pour que je sente que tu me pardonnes vraiment. Mes petites sottes! Mais tu vois donc pas que je sais tout. Que je ne crois ni à tes discours, ni à ton petit jeune homme. Mais voudrais-tu partir vraiment? Je sais très bien que tu ne partirais pas. C'est toi qui m'en empêcherais, peut-être? Ah non, ça je ne ferai pas un geste. Je l'ai dit à ton frère, pas un geste. Alors qui? Mais toi, Lily, toi. Moi? Mais tu es une femme de devoir maintenant. Moi? Oui, toi. Tu es fou? Mais non, je t'écoutais parler tout à l'heure, mais tu ne te connais pas du tout. Ah non? Ah, mais pas du tout. Et les histoires d'amour, les rendez-vous et l'envie qu'on te fasse mal. Je suis pas tout ça. Oh, moi. Mais pas du tout. Oh, tu m'étonnes. Mais t'es extraordinaire. Tu en es resté à la femme qui trompait Richard. Oui, oui. Mais tu n'es pas ça du tout, mais tu ne te connais pas du tout. Dis-moi la femme que je suis, Jeff. Mais tu es la droiture même. Il n'y a rien de louche, rien de trouble en toi. Tiens. Mais depuis 5 ans que je vis avec toi. Tu penses, depuis 5 ans, je t'observe, j'ai assisté à ton évolution. J'ai remarqué comme tu as vite pris en horreur les mots grossiers, les plaisanteries grivoises. Même Clo-Clo s'en est aperçu, il ne savait plus de quoi te parler. C'est vrai, les bonnes que tu renvoyais parce que tu n'étais plus sûre de leur honnêteté. Oui. Non, je te prends des exemples un peu gros comme ça, mais c'est pour mieux me faire comprendre. Oui. Mais tu as changé en toutes choses, de toutes les façons. C'est possible. Depuis 5 ans que je t'observe, je te connais. Tu penses, tu as gardé bien sûr ta grande indépendance et ta cruauté un peu inconsciente. Mais je te le répète, tu voudrais partir maintenant, tu ne partirais pas. Ah non. Mais non, tu aimes les enfants maintenant, Marceline. Parle encore, Jeff. La femme que tu étais avant notre mariage te fait horreur, j'en suis sûr. Regarde comme tu parles de tes anciennes amies. Oh oui, c'est vrai. Mais je sais. Quel être adorable tu es devenu, à ton insu, certainement. Mais il faut y faire. Tu es un ange. Oh, oh non. En tout cas, une femme merveilleuse, ce qui est aussi bien. Alors, me quitter, toi, laisse-moi rire, tiens. Alors je te quitterai pas? Mais pourquoi me quitterais-tu? Écoute, je ne suis pas un fin psychologue, hein, mais depuis 5 ans... que je ne pense qu'à toi. Je te connais, tu penses... Je suis devenu un spécialiste. Un spécialiste de Marceline. Jeff. Oui. Pardonne-moi, mais j'ai deviné ton secret. Les autres n'en seront rien, rassure-toi. C'est parce que je connais les fleurs que je t'ai comprise. Ah. Ton secret. Oui, mon secret. Je vais te le dire, si tu veux. Vois-tu, le secret des fleurs, c'est leur orgueil. Le tien aussi? Si, c'est d'elles-mêmes qu'elles sont amoureuses. Alors pourquoi me quitterais-tu? Tu es amoureuse de toi. comme tu m'aimes, Jeff. Oui, je crois que je t'aime assez bien, oui. Oh, j'ai honte d'avoir voulu te faire un cours tout à l'heure. N'aie pas honte, on croit toujours être seul à savoir. Oh, approche-toi. Approche-toi, je voudrais te dire quelque chose. Oui? Il me semble... Oh, tu sais, je suis pas sûre, hein. Je voudrais pas te donner une fausse joie, mais... Il me semble que je t'aime. Mais bien sûr, c'est certain. Ça, mais oui. Oui, je t'aime, ah, Jeff. Oui, mais tu vois bien. Oh, je t'aime parce que je sais pourquoi. Tu seras mon mari, mon frère, mon associé, mon camarade, mon complice. Ah, dis donc, tu crois que je pourrais être tout ça? Ouais, ouais. Et je viens même de comprendre que tu pourrais être mon amant aussi. Tu me gênes beaucoup. Oh, je sais que tu m'aimes comme je veux être aimée. Au début de notre mariage, tu as su être mon amant, mais après, tu m'aimais trop, tu m'aimais mal, tu m'adorais, tu m'ennuyais. Mais je ne comprends pas. Trop de pudeur, Jeff, trop de pudeur. Tu me respectes trop. Je ne suis plus une jeune fille, mais enfin, je ne suis pas encore une vieille femme. Je sais bien. Tu sais, il y a des moments où je me demande si vraiment je te plais. Si tu me plais. Physiquement. Oh, mais que t'es bête. Ah, attends mieux. Ah. Dis donc, alors, maintenant, Marceline. Ah, Marceline, t'es fâchée. Non, non, pardon, Lily, pardonne-moi. Alors maintenant, Lily, maintenant que c'est passé, hein, dis-moi, c'était une blague. Mon départ? Oui. Pas du tout. Je voulais te donner une leçon. Je te trouvais trop sûre de moi, trop mari. Oui, oui, j'avais bien compris. Oui. Oui, c'était si peu une blague que le petit jeune homme va sûrement téléphoner quand il verra que je suis pas au rendez-vous. Ah oui, non, mais je comprends tout. Je sais de quoi tu es capable quand tu aimes. Ce petit jeune homme te faisait la cour depuis longtemps. Tu t'es dit, je vais me servir de lui contre Jeff. Pauvre gosse. Ne le plains pas. Non, qui est-ce? Alexandre Renaud. Qu'est-ce que c'est que ce Renaud? Un petit jeune homme blond qui danse bien. Oui, tu me feras plaisir de le prier de danser avec d'autres. Tu vas pas être jaloux maintenant, tant qu'il n'était pas avant. Avant quoi? Avant que je t'aime. Non, je suis pas jaloux, mais tout bon, de même. Bon, c'est bon, c'est bon. Je lui dirai. Bon, merci. Et maintenant, allons chercher Clo-Clo. Oh non. Oh non, pas ce soir. Non, ce soir, restons seuls tous les deux. Si tu veux. Non, dis... Je voudrais te demander quelque chose. Mmh. Appelle-le Clotaire, maintenant. Ah! Clotaire, ça, je pourrais jamais. C'est tordant, ça, Clotaire. Non, non, non, fais-moi plaisir. Non, je préfère encore l'appeler l'imbécile. Si tu veux, mais... Plus Clo-Clo. Plus jamais. Clo-Clo. C'est ce Renaud, hein? Certainement. Ah. Voilà. Tu m'adores plus? Je te le jure. Tu me respectes plus? Je te le jure. Allez, viens. Jean de la Lune. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sur des illustrations musicales de Georges Vamparis, la pièce Jean de la Lune que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir est de Marcel Achard. La mise en scène est de Robert Manuel. Les costumes sont de Donald Cardwell. Les décors sont de Roger Hart. Avec Jean-Pierre Delage. Laurence Badi. Christian Marin. Claudine Coster. Et Michel Duchossois.